Enfin, je tiens à souligner que personne ne souhaite qu'une confusion soit effectuée entre nos compatriotes musulmans attachés à notre nation et à ses valeurs et ceux qui croient pouvoir tuer au nom de l'islam. Celui qui boit de l'alcool est maudit par la langue du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam, ne serait-ce que par un verre, ya Abdallah. Et il n'y aura pas de bénédiction dans un commerce qui contient de l'alcool, mais ce commerce est plutôt voué à la perdition et au châtiment et à la punition. On va vous tuer tous, moi. Mais tout ce monde va vous tuer. Adama, il n'y en a que Dieu vous tue. Que Dieu tue les blancs. N'est-ce pas une banalisation du nazisme que d'assimiler Marine Le Pen à Hitler? Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 39. Alors, je procède au rappel traditionnel. Hein. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@mail.ru. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@mail.ru. Bien sûr, consultez le site internet qui est mise à jour régulièrement, démocratieparticipative.biz, B-I-Z. Partagez le site, naturellement. Vous pouvez, j'invite aussi, hein, si des plumes se sentent de participer à la rédaction d'articles, je les invite à nous contacter par l'adresse email que je vous ai donnée. Et je vais maintenant présenter les participants de cette semaine. Je vais commencer avec Derek. Salut Derek, comment vas-tu Derek? Salut Gandalf, salut tout le monde. Ça va très très bien. Voilà, rien de spécial. Rien de spécial, comme d'habitude. Frédéric Danlévier est aussi avec nous cette semaine. Salut Fred. Salut, salut. Bah écoutez, comme d'habitude, des calories dans tous les sens, ça va très bien. Je navigue entre les nègres, les métèques, enfin tout ce qui peut peupler nos charmantes contrées. J'espère que tous les auditeurs vont bien. Coucou à tous. D'accord, Fred. Plus que jamais sur son banc, à soulever de la fonte. Poporovic, salut Poro. Comment ça va? Shabbat shalom alaikum à tous. Ça va. La patate, la frite. Astérix aussi est avec nous cette semaine. Salut Asté. Salut, écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien, et qu'on va passer une bonne émission comme d'habitude. Oh bah oui, devrait bien se passer, il y a plein de nègres desquels on pourra dire du mal, donc ça devrait bien se passer. Fulbert est avec nous aussi, plus que jamais en train de huiler son quoi. Qu'est-ce que tu huiles en ce moment, Fulbert, hein? Bah toujours le vieux Luger, hein, bah jure. Ça pourra servir. Gimli est aussi avec nous. Salut Gimli. Alors. Salut Gandalf, salut les amis. Moi je suis en train de préparer un petit reportage, un spot publicitaire sur Auschwitz à l'aide du révisionniste le plus musclé de la planète. Qui donc? Vincent Renoir. Pourquoi? Bah c'est-à-dire avec sa nouvelle tête, j'ai trouvé qu'il faisait un candidat parfait pour le spot. En fait, c'était comment? Ouais, là en ce moment, non, mais Vincent, il faut qu'il bouffe des pâtes, hein. Il faut qu'il voilà. Se remplume un peu là, parce que c'est plus possible. Message pour Vincent, mange de la viande, s'il te plaît. Mange de la viande, surtout. Des pâtes, protéines, non. Calories. Il faut qu'il se mette au régime paléo avec du gras et de la prot. Voilà, arrête la soupe de légumes, Vincent, s'il te plaît, tu nous fais de la peine. Ouais, non, c'est pas possible. Non, on a compris, voilà, le régime Buchenwald, mais non, on arrête les frais. Arrêtons les frais. Argyle est avec nous, il fait son retour plus que jamais chargé à la haine raciale. Comment vas-tu, Argyle? Eh ben, ça va très bien. Chaque fois que je suis parmi vous, je suis toujours très content. Et également, j'ai rencontré des auditeurs. Il y a quelques temps, et ils me disent que ça leur fait un bien fou, c'est quasiment une thérapie, et d'ailleurs ça participe au vivre ensemble, parce qu'il y y en a un qui m'a dit, en écoutant démocratie participative, ça m'évite de prendre une hache et de fendre la tête du noir qui est en face de moi dans le RER. Donc, voilà, il m'a expliqué que grâce à démocratie participative, il pouvait contrôler ses pulsions de réaction raciale dans les transports en commun. Et donc, je pense que grâce à cette émission, on arrive à favoriser, enfin, du moins, à ce que le vivre ensemble continue. Donc, je pense qu'on devrait être subventionné par l'État. Je pense que Gandalf devrait faire des démarches en ce sens. Ce serait une bonne idée, je pense. Ah ouais, effectivement, bientôt, l'émission reconnue d'intérêt public, hein, certainement. Moi, j'attends mon virement de la LICRA. Là, vous êtes un petit peu en retard. Ouais, ouais. Alors, j'enchaîne avec Léon, qui est aussi avec nous cette semaine. Salut à toi, Gandalf, hoplite de la haine et gaulaiteur des hommes de bonne volonté. Il me flatte à chaque fois. J'ai toujours de nouveaux titres. J'ai des titres, mais ils sont toujours plus flamboyants les uns que les autres. On se croirait dans un pays africain. Il veut les feuilles de chêne. Eh oui. Ah là là. Bon, alors, cette semaine, avant d'entamer l'émission, je tiens solennellement à remettre des croix de fer, parce que c'était prévu, hein, pour les magnifiques performances qui ont été réalisées, notamment à l'occasion de notre Safari Photo. Hein. Mais avant de passer Safari Photo, je tiens à dire que nous avons le gagnant du Migrant Challenge. Vous l'avez vu, cette magnifique photo du Migrant Challenge, vous l'avez vu, cette superbe prise de vue dans les transports en commun franciliens, est-ce que vous l'avez vu? Oui ou non? Qui l'a vu? Oui, Derek a pris... Oui, alors je l'ai vu. Très, très, très, très belle performance. Avec, donc, dans le coin gauche de la prise de vue, une espèce de fantôme islamique. Hein, ah. Et posé contre un mur, une crotte de Meir Habib, ou plus communément appelé un nègre assis contre un mur. Voilà, de très belles factures, ouais, le 150 kilos de négritude, de supra-négritude. Hein, voilà, très très très très très très très beau spécimen. Ouais, c'est une très belle réalisation. Et alors, je tiens solennellement au nom de l'équipe de démocratie participative. Et alors, il y aura le Panthéon. Hein, il y aura vraiment la liste. On mettra la liste avec les initiales, bon voilà, hein, uniquement les initiales, des gens qui ont réussi cette performance, enfin ceux qui auront mérité, auront leur nom qui figureront sur le site. Alors, je le dis solennellement, pour démocratie participative, le réalisateur de cette photographie reçoit une croix de fer de première classe. Bravo à lui, il l'a bien mérité. Première classe. On a aussi reçu, alors, bien évidemment, vous rappelez, des prises de vue précédentes, on avait parlé, donc je ne vais pas revenir sur celles qui ont été faites, mais rétrospectivement, je me dois de donner des croix de fer aussi à ceux qui ont réalisé des vidéos. Alors, vous vous rappelez de la vidéo de Saint-Denis, on en a parlé dans l'émission précédente. Bon, là aussi, croix de fer de première classe, bravo à lui. Idem pour cette magnifique prise de vue de vidéo à Montpellier dans le tramway avec cette espèce d'Algérien fou. Avec réémigration. Alors là, la première classe aussi. Croix de fer de première classe. Trois croix de fer de première classe. Et la dernière vidéo que nous avons reçue, qui l'a regardée? C'est dans le 18e arrondissement, rue des Poissonniers. Je l'ai reçue cette semaine, celle-là. Vous l'avez vue? Ah non, pas encore. On a regardé hier et on s'est dit avec Borovitch qu'en fait, c'était la rue des Pigeonniers. Parce que vers 54 secondes, sur la gauche de l'écran, on voit des pigeons morts. Ça vend des pigeons grillés. C'est mignon. Hein. Attendez. Alors, autre croix de fer de première classe décernée à celui qui a pris la vidéo que nous avons publiée sur le 18e arrondissement, rue des Poissonniers. Bravo à toi, camarade. Belle croix de fer de première classe, bien méritée. Immersion totale dans ce beau quartier qu'est le 18e, enfin plus que ça, dans ce magnifique arrondissement. Alors, je prends les réactions de nos participants. Et là, alors, bon, Gimli, je commence par toi. Ensuite, Argyle. Gimli. Alors oui, moi j'ai remarqué qu'en fait cette rue des Poissonniers, devrait s'appeler la rue des Pigeonniers, puisqu'il y a un moment, à 54 secondes dans le coin en haut à gauche, on voit que les nègres vendent de la viande de brousse sous la forme de pigeons morts. Disons que c'est pas de la viande de brousse, c'est des pigeons qu'ils ont attrapés dans un parc. Oui, ou sous un pont, enfin on sait pas trop quoi. Mais ils vendent effectivement du pigeon mort, donc ça explique pas mal de choses sur... voilà. Argyle. Oui, je voudrais féliciter notre auditeur pour cette immersion en milieu exotique, mais qu'il fasse très attention, que nos auditeurs fassent très attention, parce que voilà, si ça tourne mal, il est possible que voilà, notre auditeur qui a fait cette vidéo aurait pu se retrouver vendu lui-même en morceaux par ces charmants commerçants. Donc faites bien attention. C'est sûr qu'elle est, elle est superbe, cette vidéo, mais très effrayante quand même. Hein. C'est, voilà, ça m'a fait drôle quand même. Là, on sent qu'à mon avis, ils ne doivent pas être très loin de vendre de la viande humaine. On va y arriver assez vite, je le crains. Oui, on y arrive, on y arrive. Derek, alors Derek, toi, cette vidéo ne t'a pas laissé indifférent non plus. Hein. Alors ouais, moi je connais quand même, tu vois, la bonne vieille merde, tu vois, de marseillaise, tu vois, le caca autour de la gare Saint-Charles. Mais alors là, déjà la semaine dernière avec le truc là, la viande de brousse. C'est pareil, tu as fait attention, hein, c'est-à-dire que tu as vu à un moment donné, il y a un caddie avec du maïs aussi. Ah ouais, comme non, mais les caddies avec la bouffe dessus. Les nègres partout, qui assis avec des cartons, les pigeons crevés, hop, les poissons séchés, putain, mais qui par terre, mais c'est absolument dégueulasse quoi. Et alors, moi par rapport à ce que, enfin, même à Marseille, ouais, Marseille par rapport à ça, c'est ma foi, c'est un exemple du Troisième Reich quoi, c'est pas possible. Quoi. C'est là je tombe des nues. Frédéric dans les vieux s'il veut réagir. Ah bah moi ce qui me frappe c'est que tout, absolument tout sur... Bon déjà, alors attention, rappel, le grand remplacement est une conspiration d'extrême droite, hein, il faut le savoir. Dixit Marine c'est Le Pen, Marine hein. Le Pen qui l'a dit. Voilà, hein, effectivement. Et ensuite tout ce qui est sur les étalages, on dirait des sortes de cylindres de caca compressés. Alors on sait, tout est un peu marron, alors il y a différentes nuances. Et c'est compressé, ça, on ne sait pas trop quelle est la forme, voilà. C'est vraiment très très bizarre. Enfin bon, voilà. S'il y a des gens qui ont des goûts exotiques, qui veulent essayer des nouvelles choses, je suppose que ça doit être intéressant. Le sida. Vraiment passionnant d'avoir ça à disposition à Paris. Hein. Je pense que ça ajoute vraiment au patrimoine. Les cylindres de caca, je sais ce que c'est. C'est le stand de contre-culture. Ah. En effet. Alors, en tout cas, vraiment, magnifique vidéo, vraiment. Et cette croix de fer de première classe n'est pas volée. C'est clair, hein, elle n'est pas volée. Hein. J'aime ça quand les auditeurs s'impliquent. C'est participatif, c'est la démocratie participative. Alors, n'oubliez pas. Bon, le Migrant Challenge a été gagné, remporté, très belle prise de vue. Par contre, le Safari Photo Vidéo continue. Hein. Nos auditeurs, si vous voyez des trucs extraordinaires, des raretés, quand la nature s'exprime, vous voyez, c'est un petit peu comme les émissions animalières, il y a des moments de magie comme ça de temps en temps, eh ben, allez-y, voilà, prenez votre smartphone, captez, puis envoyez ça à Démocratie Participative, vous connaissez l'adresse email, on prend, et éventuellement, décoration. Alors, oui. Ouais, non, je disais juste, oui, effectivement, surtout pour nos auditeurs là, d'Île de France, envoyez-nous ces trucs-là, quoi, parce que... on n'est pas tous au courant hein, de ça. Hein. Ouais, j'avais pas idée qu'il y avait des trucs comme ça qui se passaient. Moi j'avais idée, moi. Bah non, moi, mais pas à ce point. Quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon. 4 croix de fer. Bravo, messieurs. Vous les avez bien méritées. Alors, on va commencer avec notre première rubrique. Autisme radical, bien évidemment. Et on va aller vers le procès Mera. Hein. Alors, procès Mera, la gaffe secret défense du policier qui avait repéré le terroriste. Alors, ça c'est le titre officiel de l'article qui en parle. Mais vous allez voir, en fait, c'est beaucoup plus simple. En fait. C'est dans l'Express. Je trouvais ça dans l'Express. Voici ce que ça raconte. L'ancien patron du renseignement toulousain est revenu ce lundi sur les failles de l'affaire Mera. Il a évoqué, sans le vouloir, une information classée secret défense. Alors là, l'article cite les échanges. « Si on vous avait écouté, monsieur, on ne serait sans doute pas là aujourd'hui. vous avez donné une indication qui ne figure pas au dossier, lance l'avocat. Le 15 mars 2012, jour de l'attentat de Montauban qui a coûté la vie à deux militaires, Christian Ball-Enduit se remémore en effet avoir transmis, donc ça c'est le nom du policier en question, avoir transmis à sa direction une note. Ce document comporte une douzaine de noms de djihadistes toulousains qu'il a identifiés et parmi lesquels se trouve selon lui le suspect. Parmi eux, celui de Mohamed Merah. Mais à ce moment précis, sa hiérarchie est sur la piste de l'ultra-droite. On va en parler. Ah ben eh oui. Eh oui, évidemment. L'ultra-droite, son intuition restera sur des feuilles de papier. Ça restera ultra-morte. Alors donc, on continue l'interpellation. L'État est incapable de reconnaître ce que nous savons aujourd'hui, qu'il y a eu des fautes lourdes, inadmissibles de l'État. Le nom de Mohamed Merah était sur une fiche, martèle Maître Maurice, donc un des avocats présents aussi. Long silence. L'ex-patron du renseignement toulousain cherche ses mots. Je suis dans une position difficile, car la note n'a pas été déclassifiée. L'homme, dont tous les avocats des parties civiles saluent le courage, est mal à l'aise. Il réalise alors la portée de ses mots. Donc en substance, l'État français, le gouvernement français, l'appareil sécuritaire et de renseignement n'a pas arrêté Mohamed Merah, contrairement à ce qu'avait conseillé ce policier, cet officier de renseignement, parce qu'il cherchait, en fait, des blonds aux yeux bleus de l'extrême droite. Hein, qui, voilà. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé. Qui veut réagir là-dessus? Je vois que Derek veut réagir. Derek. Oui. Donc, Toulouse, hein, encore une fois, à la pointe du Logos. Hein. Donc, les types sont tellement à gauche que quand ils voient des Arabes dans la rue qui tuent des gens... Il voit des gens aux yeux bleus à tête d'ange. Hein, C'est voilà où mène la psychopathologie gauchiste teintée de d'apport génétique espingouin. Ça c'est après, précise. Toulouse a une histoire particulière. Oui, bah, Toulouse est envahie de cafards échappés de l'Espagne de Franco. Voilà, simplement. Oui, de cafards communistes et anarchistes que Franco n'a pas gardé chez lui, ou pas exécuté chez lui. Oui, voilà, qu'il a laissé partir pour avoir la paix. Quoi. Et donc, ce coin-là est absolument. Enfin, ces gens-là sont complètement fous. Hein. Je précise un truc. Hein. Oui. 60 000 juifs à Toulouse, quand même. Voilà. Ah, ouais, putain, ouais. Là, ils sont partis. C'est bizarre. Le maire s'appelle Cohen. Hein. Et alors, ça plaît. C'est plus lui. Alors, ce qui est marrant, du coup, c'est que à chercher les méchants terroristes d'extrême droite, on en est venu à tuer des enfants juifs. Argyle veut aussi réagir. Oui, je voudrais réagir, en fait, sur cet aveuglement idéologique jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que même quand bien même on s'aperçoit que finalement le type n'est pas un mec d'extrême droite, qui était la piste d'origine, puisque des témoignages hein, avaient dit que le type avait les yeux clairs, un teint pâle, des cheveux blonds qu'ils avaient réussi à discerner sous le casque du tueur. Des tatouages. Donc voilà, c'était et se dire non finalement c'est peut-être pas ça. Bon, on va quand même attendre un peu parce que c'était tellement bien d'imaginer que c'était un mec d'extrême droite et là putain patatras tout s'écroule. Et là, ils se disent, ah non, bah, on va attendre un petit peu. Bon, on va attendre allez, qu'il fasse avec des enfants dans une école. Quoi, mais là, bon, on va quand même peut-être aller chercher là où ça devrait être. Parce que, bon, Merah avait l'intention de finir en martyr, l'intention d'en terminer. Donc, il n'était pas spécialement discret. Donc, voilà, bah, bravo l'État français, bravo la bien-pensance de gauche qui n'a pas fini de faire des victimes, je pense. Frédéric Danlévier aussi veut rajouter son mot. Oui, non, moi, ça me pose la question, tout ça, du niveau de bougnoulisation et de météquisation, généralement, des forces de l'ordre, des services de renseignement, parce que pour arriver, quand il y a des attentats, à chercher des gens d'extrême droite, particulièrement en France, je veux dire, la France est quand même le pays de l'extrême droite, hein, j'ai envie de dire, voilà, hein, les groupes, les milices armées pullulent d'extrême droite sur le territoire français, donc voilà, et c'est une évidence. Donc, pour en arriver à chercher l'extrême droite après un attentat, surtout des choses un petit peu, enfin des assassinats comme ça, faits vraiment en mode exécution, Je me demande combien on a de bougnoules, de nègres, de métèques qui, en fait, donnent les directives chez les forces de l'ordre ou chez les renseignements. Ça serait intéressant. Si quelqu'un a des pistes, ça m'intéresse. Ah oui, en fait, c'est très bien observé. C'est très révélateur. Ça, en fait, il y a une attaque, etc. Et premier réflexe, on va traquer l'extrême droite. Donc, ça, c'est le réflexe d'un pays de bougnoules. C'est très bien que c'est un pays de bougnoule, de métèque, de tout ce qu'on veut, de voilà. Pays espagnol. Pas... Oui, voilà, on va aller traquer l'extrême droite, etc. Mais non, évidemment pas. Mais c'est très bien observé, évidemment. Quelqu'un d'autre voulait réagir, me semble-t-il. Non. Oui, Visage d'Ange, tu avais mentionné ça, Derek Visage d'Ange. En fait, on a eu toute une série de témoignages. Alors, sur le site, on l'a remis, ça. C'est une hallucination collective, c'est-à-dire que... Cette zone-là, au niveau population, est tellement pourrie que je suis sûr que tu leur fous un nègre qui découpe des types à la machette, ils vont te dire là, il y a Sven Henriksson qui a décapité des gens, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Non mais là-bas, en plus, ils ont un quartier général antifasciste. Qu'ils ont récupéré tous les anarchos dégueulasses venus d'Espagne, sur lesquels se sont greffés, je sais pas tout quoi, d'Afrique du Nord. Non, mais Toulouse, c'est horrible. C'est vraiment une ville qui est sinistrée. Qui a une réputation aussi pour les parties fines des notables locaux. Bon, ah oui, voilà, alors rappelle-nous ça. Oui, c'était quoi l'histoire là? Je crois que c'était Toulouse, c'était l'épicentre de l'affaire Allègre. Louis Allègre, bien sûr. Donc, oui. Bon, gros métèque espagnol mélangé à des pervers sexuels dans les institutions locales. Bon, voilà, hein, c'est une vraie merde. Effectivement. Bon, voilà, donc l'histoire retiendra ou ne retiendra pas que donc des enfants juifs ont été exécutés par un musulman parce que l'État français républicain... soucieux du bien-être des métèques bougnoules, nègres et autres qu'ils protègent, ne voulait pas induire l'amalgame, était trop occupé à traquer des nazis, qui n'existaient pas d'ailleurs. Alors, sujet numéro 2 de cette rubrique, autisme radical, art dégénéré. Ah, magnifique, ah, ça j'aime bien ça. Art dégénéré. À peine accueilli par la France, le violeur russe antifasciste Piotr Pavlensky, déjà interné. Alors ça vous la coupera, ça. Accusé de harcèlement sexuel en Russie, l'artiste controversé Piotr Pavlensky, réfugié politique en France, a été interpellé par les forces de l'ordre après avoir mis le feu à la Banque de France le 16 octobre. Je vous informe qu'à la suite d'un examen de comportement réalisé ce matin, M. Pavlensky a été admis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Sa garde à vue a été par conséquent levée. La deuxième garde à vue, ça, c'est celle de sa femme Oksana Chaligunia. Putain, qu'est-ce que c'est que ces noms à la con, ouais. Est toujours en cours et l'enquête se poursuit, a confié une source judiciaire à. Donc à Rochatodé, c'était Rochatodé. Le 17 octobre, donc les Russes Piotr Pavlensky et sa femme Oksana Chalim, truc machin, qui bénéficient du statut de réfugié politique en France depuis 2017, ont été arrêtés par la police et placés en garde à vue pour dégradation par incendie après avoir mis le feu, donc comme je dis, une succursale de la Banque de France dans le quartier de la Bastille à Paris, une performance artistique le 16 octobre. Ah, ça, c'est magnifique. Alors, je vais prendre les réactions. Alors, Derek d'abord, ensuite Frédéric dans les vies. Alors, je vais laisser à certains le soin de faire le pédigré des auteurs. Juste, j'ai noté que certains de nos plus ou moins amis s'étaient réjouis de la chose. Donc qu'un taré ait foutu le feu à la porte d'un bâtiment, quoi. Parce que boue la banque, c'est méchant. Boue la banque, c'est méchant, c'est les juifs, oui. C'est les sionistes, parce que quand même, tu comprends, voilà. Les juifs, c'est quand même faut pas non plus stigmatiser, quoi. Voilà. Alors, Frédéric dans les yeux, vas-y. Oui, non, moi je ne connais pas particulièrement le pédigré de cet homme. Par contre, Ah ben je t'invite à regarder sa gueule sur... Alors... écoute, j'ai tapé son nom, je suis allé sur Google Images, et alors là, j'ai vu en quelques secondes tout ce que j'avais besoin de voir. C'est-à-dire que le mec, bon, déjà tu le trouves assis par terre à poil devant le Kremlin, bon, Oui, mais c'est alors ça, je t'explique. sympathique. Ça, c'est une performance où il s'est cloué les bourses au sol devant le Kremlin. Ah, non, mais d'accord, non, mais je vois. Et alors, il a une gueule De sidaïque. de sidaïque, drogué. Enfin, il a vraiment une gueule de mort-vivant. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. De sidaïque. En plus de la slavitude qui ajoute au côté, parce que pour moi, la slavitude, c'est quand même étranger. Donc, c'est une gueule de slave camé. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. C'est magnifique, hein. Enfin, en tout cas, je vous encourage à taper le nom et à aller voir les belles photos. Ça vous mettra tout de suite dans l'ambiance. Quelqu'un voulait faire le tour de son parcours, peut-être? Ben en fait non, bah il s'est cloué les bourses, etc. Alors je donne la parole ensuite à Argyle et même à d'autres, Astérix, Fulbert, n'hésitez pas. Hein. Ça cumule avec la grande politique d'asile, parce que vous savez la France, alors au début la France c'était la terre d'asile, vous voyez, la Ah terre ouais, c'est d'asile. là, là c'est le vrai, c'est l'asile, ça se concrétise, quoi. Hein. Une nouvelle performance artistique, voilà, pour réunir les concepts. C'est ça. Et alors, vous savez, il y a quelques mois, la France, très ambitieusement, on est très ambitieux, vous le savez, en France, avait lancé la grande politique d'accueil des PD tchétchènes. Vous vous rappelez de ça? Oui. Oui, bah voilà. Alors, donc on a maintenant les pires fiottes du Caucase. Alors, imaginez, les fiottes dans le Caucase, ce que ça peut être, quoi. C'est-à-dire des trucs improbables, voilà. La France se porte au-devant, tu vois. Ah, nous, on prend, tu vois. Ah! On est acquéreur, on les prend ceux-là. Et alors, tu sais, le Kremlin qui est là, il dit putain, mais oh, regardez l'autre dégénéré, il vient de se clouer les burnes en face du mur du Kremlin. Je veux dire, Poutine ne devait même pas savoir quoi en foutre de ce con, tu vois. Et alors, ah, la France, encore une fois, dit Moi, ah, moi, nous, moi, je veux, moi, je veux. hop, hop, hop, hop, on prend. Voilà, c'est pour nous, c'est pour nous, ça, c'est pour nous. Moi, j'attends la femme à barbe du Burundi, ça va être marrant. Mais Ah, ça va. à côté Romano Chucalescu, c'était du grand art, quoi. Je veux dire, parce que là, je vois juste France. Alors évidemment, France Inter, ce parangon de la culture française, tout La ça, culture juive, oui, la culture juive, oui. qui veut nous amener à découvrir cet artiste qui dérange, n'est-ce pas, le régime russe, hein, comme ils Il dirige disent. la France maintenant aussi, Alors oui. là, ils nous apprennent que, alors en plus d'être alors nu par terre, de se couler les burnes dans le Kremlin. Il peut aussi grimper, alors toujours à poil, grimper sur le mur de l'Institut psychiatrique Serbski à Moscou et de se couper le lobe de l'oreille droite. Ah, j'ai vu Voilà, ça. alors, faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà, Il y a faites ce que aussi vous un mec voulez. qui s'est foutu dans un rouleau de fil barbelé et il s'est roulé dans une rue ou un truc comme ça sur plus de 100 mètres. Ouais, c'est bon ça. Alors, il y a des gens donc qui paient, et, parce que j'imagine, à titre de réfugié, je ne sais quoi, il doit avoir droit à des aides ou à des subventions. Non, Enfin, c'est j'imagine, faux. C'est une j'imagine. rumeur publique, c'est une rumeur entretenue par l'extrême droite, c'est faux. C'est archi faux, ça n'a rien à Ah, voir. d'accord. Non, parce que moi, je me disais, oulala, il y a quand même des gens qui payent des impôts et ça doit être redistribué d'une façon ou d'une autre vers ce mec-là qui est en train de se couper les lobes des oreilles, de se couler les burnes à gauche, à droite, enfin, N'importe quoi. Ouais, mais. Attends, non, non, c'est des conneries, ça. C'est comme si tu me disais, ah, oh, bah la France, elle va verser l'argent des contribuables à des nègres. Ah! Oh, jamais, jamais. Non. Ça n'existe Argyle. pas. Argyle. Oui, moi je voudrais juste par rapport à cet artiste qui est accueilli voilà, dans un pays, parce que j'imagine que Poutine n'avait pas l'intention de le laisser continuer très longtemps à faire ces trucs de taré en Russie, ces provocations. Et donc le mec, il est en tant que réfugié politique, artistique, tout ce qu'on veut. Il arrive dans un pays et un des premiers trucs qu'il fait, c'est d'aller foutre le feu à la banque nationale. J'essaie d'imaginer l'inverse, un artiste français qui est en Russie et voilà, qui est accueilli en Russie. Et le premier truc qu'il fait, aller foutre le feu à la banque nationale russe. Je suis pas certain qu'il n'aurait pas droit à un petit séjour dans un centre de rééducation en Tchétchénie, par exemple, ce genre de choses. Mais en France, on peut se permettre, c'est-à-dire qu'on t'invite, t'accueille. Et après, tu vas foutre le feu à la banque, ou je sais pas, ou voilà, des défaits, en gros, des déféquer dans la soupe qu'on vient de te donner. Mais je pense que c'est symbolique aussi de cette tradition d'accueil qui est la France, cette tradition d'accueil de millions de personnes qui sont plus ou moins réfugiées pour différentes raisons et à qui on laisse le droit de nous cracher dans la gueule, de nous chier dessus, de brûler nos banques, de violer nos filles. Donc je pense qu'il a voulu immédiatement se mettre dans la tradition d'accueil française. Il s'est dit, il faut absolument que je fasse voilà, quelque chose de détonnant. Voilà, en s'en prenant au pays, parce qu'il a dû dire que ça doit être une coutume locale des étrangers quand ils sont accueillis. Peut-être qu'il ne comprend pas bien le français, peut-être qu'il a voulu bien faire en fait. Il aurait peut-être pu violer une gamine ou ce genre de choses. Bon, là, il a voulu brûler une banque. Je crois qu'il a voulu s'adapter à la France de la même manière que les millions de métèques, que ceux qu'on a vus dans la charmante vidéo qui brûlent des pigeons, qui vendent des excréments dans les rues françaises. Je pense qu'il a voulu avoir cette démarche. Bah c'est de l'assimilation, quelque part. Bah, violer des Françaises, ça fait partie de la tradition d'accueil. Hein. Si on peut même plus violer des Françaises, tout va à volo. C'est... et oui. Alors, non, mais là, pour être un peu plus sérieux, là on a un exemple de turbo-d'hygiénisme d'État qui est assez fascinant. C'est-à-dire, la France est une véritable pompe à merde. C'est une pompe à merde, ça pompe dans le Caucase, en Russie, ça pompe en Afrique, ça pompe dans le monde musulman, ça pompe, ça arrive chez toi, voilà, t'as les pires tarés, mais de tous les pays, je veux dire, les égorgeurs, les violeurs, les apprentis djihadistes, les sidaïques performeurs de Médeux, de l'art contemporain, etc., qui arrivent en direct de Moscou, tu vois, ils arrivent chez toi, non mais... Là, si la France continue à ce rythme, dans 20 ans, c'est fou, c'est fini, et c'est pandémonium, quoi, littéralement. Ah ouais. Littéralement. Est-ce que c'est pas déjà fini, en fait Bah, moi, je suis d'un naturel optimiste, d'un naturel révolutionnaire, mais... nos peuples, ok, mais la France, bon, après, bon, c'est une histoire... C'est un débat qui mérite. Ah, mais c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas pomper les PD de Tchétchénie, les tarés dégénérés que même Poutine ne veut pas chier. Et pourtant, la Russie, c'est grand. Dieu sait qu'il doit y avoir quand même quelques dégénérés là-bas. Mais même, bon, de se porter volontaire, les nègres sidaïques qui se bousculent, facilités par des gens comme Herou et. Mais il y aurait un sketch à faire hein, là-dessus. Hein. C'est-à-dire, tu vois, l'employé de préfecture tu sais, qui est chargé d'analyser les dossiers. De demande d'asile, tu vois, et puis qui doit faire le choix entre le type qui se cloue les couilles sur la place rouge ou le type qui bouffe des albinos, ah ouais, ouais. Des albinos en Angola, tu vois. Bon, ça passe pas. Entre Romano Chukalescu et puis Boubacar Ben Machin, tu vois. Voilà, c'est ça. Effectivement. Et ouais, non, mais vous êtes refusé parce que là, ouais, vous êtes quand même. Vous êtes cloué les couilles, mais bon, vous avez pu quand même pisser sur une Bible en même temps, quoi, par exemple. Hein. Ah, mais je vous rassure, on a les deux. Ah. Oui. C'est pas excluant, effectivement. C'est qu'en fait, l'employé de préfecture se pose pas de questions, il accepte les deux. C'est vrai. Bon, bah les gars, voilà, c'était la minute culture hein, de la France. Putain, là... Non, mais il fut un temps quand même... allez. Digression. Vous allez dans des grands musées internationaux, je veux dire, à New York, Los Angeles, mais vraiment, même, enfin, Paris, évidemment. Bamako. Non, mais sérieusement, je veux dire, pendant 2 siècles, la France a été vraiment la mère des arts. C'est un constat purement objectif, notamment en peinture. Il n'y a rien n'a existé pendant 2 siècles sans les Français. Les Français ont été à la pointe de toute la peinture pendant 2 siècles, mondialement, je veux dire. Il y a des génies incroyables, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pendant très longtemps, la France a vraiment été une capitale mondiale de l'art, je veux dire, c'était pas du tout usurpé. Mais quand on voit ça... Ben, Mitterrand est arrivé, et Jack voilà. Lang aussi, donc voilà. Les types sont arrivés, tels des terroristes de la pire espèce, ont filé du pognon à tous leurs amis... complètement dégénérés qui leur disent c'était une machine à blanchir du fric absolument délirante et ont mis le lait la laideur, l'horrible comme étant la norme de l'art voilà. Ah bah tiens je viens de voir un truc complètement, enfin j'allais dire complètement dingue, non c'est pas complètement dingue c'est complètement ça fait ton sur ton C'est devant cet horrible musée Pompidou, mais qui est d'une laideur, mais d'une laideur, mais c'est laid, objectivement laid. Ils ont érigé une sorte de statue cubique. Alors c'est très original le cubisme en 2017. Hein. Les villes sont cubiques déjà, pour commencer. Où en fait, il y a une sodomie. Alors je vous invite à vous référer à ce truc-là, l'art moderne, quoi. On en est là. Voilà, l'art dégénéré. L'art dégénéré, on comprendra Adolf Hitler en matière d'art. On comprendra Adolf Hitler. Pas obligé de partager les goûts d'Adolf Hitler, mais on comprendra la mise au banc de l'art dégénéré décidée par Adolf Hitler, à mon avis. Hein, je vous laisse libre là-dessus, mais bon. Gimli aussi veut s'exprimer à propos de notre artiste russe. Moi, je veux m'inscrire en faux par rapport à vous, parce que je crois que il a compris l'esprit français. Parce que vous voyez, le mois dernier, il avait accordé une interview à une radio allemande où il disait non, j'accepte pas les aides sociales, je squatte un appartement et je vole de la nourriture dans les magasins. Et comme ça, il vit comme la plupart des Français. Il a dit « Je vis comme la plupart des Français ». Donc je pense qu'il a bien compris l'esprit. Ah oui. Est-ce que par hasard, il ne vivait pas parmi des nègres? Des bouillots plutôt, là. Hein. C'est probable, c'est probable. Ouais, bah, le bouillot, il est plus voleur que le nègre, non? C'est possible. Mais c'est vrai que le nègre il a plus tendance à se greffer aux subventions. Alors, on dirait qu'il a, les prises qui se rangent directement sur la machine. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je pense qu'on peut passer au sujet numéro 3 de cette rubrique autisme radical. Alors là, c'est bien. On va pouvoir dire tout le bien qu'on pense des Bretons. Hein ? Alors, dans l'émission, en général, les participants, les auditeurs aussi aiment bien les Bretons. C'est une histoire, c'est de l'affection, pure et simple. C'est sincère. Polémique à Gaël. 35, il est vilaine, hein, on est à côté de Rennes là. La brasserie La Gaël, donc en fait la commune s'appelle Gaël, et la brasserie s'appelle La Gaël, au féminin donc, fait l'apologie de la révolution bolchevique et du communisme, pourquoi pas après tout. Alors, en effet, alors je cite, ça c'est Braise Info, le site d'information Braise Info. En effet, les tenanciers de la brasserie La Gaël, située 4 places du monument dans le bourg de cette commune de 1650 habitants, ont décidé de fêter le centenaire de la révolution bolchevique en organisant 3 journées de festivités, 3 jours, hein, s'il vous plaît, hein, c'est pas juste un apéritif, hein, de ce vendredi à dimanche 22 octobre. Démarche d'autant plus assumée que le tenancier explique à la presse régionale qu'à Gaël, le Front National affiche parmi ses meilleurs scores dans le département. On voulait faire réagir. Marine Le Pen a accueilli plus de 47% des voix à la présidentielle de 2017, en effet. Faut-il donc, en conséquence, envoyer les électeurs au goulag et en séjour de rééducation? Ça, c'est Braise Info qui s'interroge un petit peu, sur un ton ironique, bien sûr. Sur sa page Facebook, Christophe Hordé, gérant de La Gaël, expose son engagement très à gauche entre partage de photos du courant anarcho-stalinien, retransmission d'un meeting de Jean-Luc Mélenchon, un engagement on ne peut plus démocratique par ailleurs. Bon, on va revenir hein, sur l'anarcho-stalinisme, ça va faire le lien avec l'Espagne d'ailleurs. Joint par téléphone, ce dernier explique. Alors là, ça c'est Braise Info qui cite le propriétaire. Nous voulons commémorer le centenaire de la Révolution de 1917, un événement marquant dans notre histoire. Il ne faut pas tout confondre. C'est Staline qui a massacré les gens, pas les soviets. On ne peut pas comparer les horreurs du stalinisme avec la Révolution soviétique. Ce dernier évoque par ailleurs une manifestation festive, pas politique et pas stalinienne. Donc trotskiste, donc. Léniniste trotskiste, quoi. Même si les gens viennent avec des drapeaux. Il tient par ailleurs à souligner que la révolution russe a, je cite, « donné de l'espoir à des millions de gens à l'époque » et explique que la comparaison avec le nazisme est « de la malhonnêteté intellectuelle ». Je suis d'accord. Quand on parle de 100 millions de morts sous le communisme, je réponds, et pourquoi pas 200 millions tant qu'on y est, hein ? Voilà. Alors, donc, ça, c'est... Alors, la Bretagne, une brasserie, donc c'est une entreprise privée, hein. Alors là on est dans le monde, dans l'entreprise, vous voyez, en Bretagne donc. Et alors, bon, je vous laisse commenter. Je sais pas qui... Comment dire, ivre, virgule, il fait l'apologie du communisme, quoi, tu vois. c'est ça. Non mais c'est la Bretagne et le communisme, c'est une longue histoire d'amour et je... Je suis allé voir la tronche du mec par curiosité, c'est un chauve, bon, il y a des photos très mignonnes où il est avec d'autres gens qui sont habillés en uniforme soviétique. Alors d'après lui, c'était pas le vrai communisme, hein, qui n'a certainement jamais encore été vraiment essayé, hein, donc c'est un argument novateur qu'on n'a jamais entendu avant. Bon pourquoi pas, hein. Alors, il a dû oublier qu'il vivait dans un pays communiste quand même, hein, mais c'est pas grave. Prends les réactions, hein. On avait aussi peut-être Gimli. Et non, Argyle, autant pour moi, Argyle. Ouais, je trouve que le communisme, en fait, c'est ceux qui l'ont subi qui en parlent le mieux. Je crois que ce serait assez sympa d'organiser une petite visite, on va dire pédagogique, chez ce tenancier de bistrot soviétique. Par exemple des Slovaques, des Roumains, des Ukrainiens qui pourraient lui expliquer les réalités du communisme, comme quoi le communisme a été réellement appliqué, parce que en général ces gens-là ont un peu de mal à comprendre l'idéologie généreuse cet humanisme progressiste. Eux ils peuvent en parler, il y en a beaucoup qui peuvent plus en parler malheureusement, mais je sais qu'ils sauraient lui expliquer avec des arguments frappants et percutants tout ce qui est la réalité du communisme, est-ce qu'on a vécu. C'est très intéressant d'entendre des gens qui ont vécu et qui ont eu des parents qui ont vécu le communisme et des grands-parents qui ont vécu le communisme, parce que malheureusement, il a été appliqué pendant des décennies dans certains pays qui ont même encore aujourd'hui du mal à se relever. Bien sûr, mais prenons simplement les antifascistes, ou c'est-à-dire les communistes violents qui veulent supprimer toute opposition qui leur est faite. Bah, déjà, ces gens assume totalement le principe de violence. Enfin, les antifas sont des gens qui revendiquent la violence. Bon, ce sont des idiots utiles par ailleurs manipulés, mais ce sont des gens qui revendiquent la violence. Mais ils ne l'encaissent pas, hein, par contre. Oui, bah, quand vous lui dites « Ah bon, mais quand même, le communisme, ça a tué des gens. » Mais non, vous n'avez rien compris. Oh là là, mais il n'y a pas plus indolore que le communisme. Ah bon ? Donc, apologie de la violence, en fait, ça ne fait jamais de casse. Bon, enfin, c'est du foutage de gueule intégral. Oui, sur ce que disait Argyle, faire venir un Slovaque ou un Roumain pour témoigner de ce que c'était le communisme, il y a un citoyen américain qui l'a fait, qui est un ancien citoyen soviétique, et il s'était confronté au mec du Occupy Wall Street, et ça avait bien marché. Le mec s'appelle Vladimir Jaffe, J-A-F-F-E, donc j'invite les auditeurs à regarder un peu ce qu'il a fait. Toutes ses vidéos sont sur YouTube. Ah, ça a l'air. Tu peux nous donner un petit aperçu de ce qu'il a fait ? En gros, c'est un type. C'est un ancien citoyen soviétique. Il a fui la Russie à cause des persécutions religieuses. Il est actuellement citoyen américain. Je crois qu'il est au Tea Party, donc il n'est pas tout à fait communiste. Et il est un entrepreneur. Il a une petite entreprise, je ne sais plus exactement dans quel domaine. Et en gros, il s'était confronté au mec de Occupy Wall Street en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement quand c'était, mais il y a 2-3 ans, quoi. Et il allait voir les mecs, il leur disait « Bon alors, qu'est-ce que vous proposez ?» Et les mecs, ils disaient « Voilà, on propose le socialisme. » Ils disaient « Ah bon, mais alors c'est ça. » Et en fait, il leur racontait « Oui, mais vous dites de la merde, parce que moi j'ai vécu le communisme, et c'est pas ça, vous dites de la merde. » Et il les mettait tous en PLS intégral en moins de 4 secondes. Effectivement, il y a de fortes chances. Frédéric dans l'évier. Oui, non, moi, pas pour faire caca sur Gimli, là, mais puisqu'on est à parler de pédagogie par rapport au communisme, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que ça tourne depuis un certain temps, c'est une vidéo d'un défecteur du KGB, d'un déserteur du KGB, qui s'appelle Yuri Bezmenov. Qui explique en fait comment fonctionne le communisme, comment fonctionne la révolution du point de l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait des idiots utiles, des militants gauchistes très enthousiastes quand on a réussi la révolution, hein, comment ils finissent. C'est très éducatif, le mec est très très froid, expliquera très platement. C'est à voir au moins une fois pour comprendre le communisme. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est bien de le souligner. Personne d'autre sur ce... Bon, alors la Bretagne, j'ai quand même un petit peu, parce qu'on dit du mal de beaucoup de gens, alors les Bretons, un petit peu. Alors, t'as dit à un moment donné, Frédéric Dandelier, ouais, le communisme... Alors, il faut souligner un point. En fait, la Bretagne n'est pas du tout une terre de communisme au sens strict, c'est-à-dire vraiment PCF. Il y a quelques poches, les anciennes poches ouvrières, Douarnenez, un petit peu Pont-l'Abbé, Lorient à cause des docks, etc., un petit peu Brest. Bon, on peut parcourir comme ça, mais... Dans sa profondeur, la Bretagne n'a jamais été une terre de communisme. En revanche, c'est une terre de socialisme. Quand les évêques, ces ordures, ont rallié la social-démocratie, dans les années, en fait, fin des années 60, début des années 70, il y a eu des mots d'ordre, et là, effectivement, il y a eu ce grand mouvement de basculement de l'opinion publique bretonne, sous la houlette de l'Église catholique, hein, qui a trahi intégralement, a poussé en fait la Bretagne vers la gauche, mais la gauche social-démocrate, donc pas la gauche communiste au sens strict. Donc finalement, les communistes purs et durs, il y en a assez peu, il y en a, mais c'est assez minoritaire, mais j'allais dire, pour notre plus grand malheur, parce que on a à la place cette espèce de guimauve gauchiste humanitaire infect. Ouais, les concombres de gauche, quoi. Voilà, les concons de gauche qui vont aller adopter des nègres au Togo, voilà. Alors là, la Bretagne, là, c'est place numéro un et de très très loin. Et en fait, paradoxalement, la Bretagne avait un temps d'avance en fait à gauche. Hein. C'est-à-dire que le communisme marxiste bolchevique est périmé. En revanche, la gauche humanitaire négrophile. Alors là, par contre, ça c'est de l'avant-garde. Et la Bretagne occupe pleinement sa première place. Je crois pas qu'il y ait un autre endroit en France qui puisse s'en prévaloir de la sorte. Il y a sûrement, vous voyez, des départements, des villes, mais alors une région entière, et puis avec autant de ferveur, je suis pas certain quand même. Hein. C'est-à-dire que la combinaison de... Comment dire, qu'ils ont subi vraiment très tard en réalité l'immigration, enfin ça... Bon, ça commence quand même maintenant à se faire connaître, hein, mais pendant très longtemps ils en étaient préservés. Plus bon, l'alcool, hein, qui joue quand même un rôle important à cet endroit, je pense que ça rend généreusement con. Hein. Ouais, mais vraiment le truc humanitaire... c'est la sortie du catholicisme qui ne mène pas au parti communiste. Mais c'est, ça n'est pas... C'est ça, moi, c'est ça que je suis désolé. Là-dessus, je suis assez intransigeant. Pour moi, ça n'est pas une sortie... En tout cas, pas une sortie du christianisme. C'est peut-être une perversion, une transformation du christianisme, mais c'est vraiment de reprendre tout ce qu'il y a de plus cucu dans le christianisme, évacuer la spiritualité réelle et en faire juste une sorte de, voilà, c'est le Jésus-guitare, on est tous frères, voilà, on va tous se donner la main. Alors, ils en sont même plus là, parce qu'en Bretagne, si vous voulez, il faut bien comprendre ça, en Bretagne, les références au Christ, enfin, la Bretagne est une terre totalement déchristianisée, je veux dire, la mention du Christ, tout ça, il n'y a plus que les calvaires, les chapelles ou les noms qui mais parce qui que indiquent. parce que dans leur tête à eux, l'Église a trahi, est une institution bourgeoise machin, et eux ils vont faire mieux que les chrétiens. Mais non, ils en sont même pas là, c'est-à-dire qu'il y a même pas ce degré de conscience, c'est même pas ça, c'est là tu leur prêtes encore. Moi je pense que c'est subconscient. Je pense. Ah oui, c'est inconscient. Mais c'est pas conscient, c'est-à-dire qu'ils ont même pas le degré de conscience historique pour dire voilà, nous avons été chrétiens, nous ne le sommes plus, nous ne le sommes plus pour telle ou telle raison. Non, c'est même pas ça. C'est juste instinctif, voilà, on va aimer l'autre, hein, on va aimer l'autre. C'est le socialisme humanitaire. Le socialisme Emmaüs. Humanitaire, voilà. Ouais, Emmaüs, mais totalement. Et c'est le fléau numéro un. Donc c'est pour ça que ça me fait marrer ces communistes-là qui nous font une soirée pour la révolution bolchevique, parce qu'en fait, ces types-là, ils sont beaucoup trop durs pour le public qui vise, en fait. Alors, même dans leur connerie profonde, leurs convictions sont trop trempées. Hein. Ils font un truc beaucoup plus, voilà... diffus, mou, femelle, voilà. Ouais, voilà. Donc intéressant quand même, intéressant. Donc la Bretagne, moi que j'ai toujours dit, hein, la Bretagne, extraordinaire, magnifique pays, très grand peuple, une fois qu'on en aura liquidé 90%. Ça, c'est mon point de vue, hein, je ne demande pas de le partager. Donc alors, ceux qui nous écoutent, hein, ne nous en voulez pas quand on dit du mal des Italiens, des Espagnols, des Polonais, on dit aussi du mal des Bretons. Hein, hein. C'est les partages, quand même. Alors, chers amis, enchaînons. Ah oui, rubrique numéro 2. le sale nègre de la semaine. Mais là, je vous en tiens un vrai. Meilleur que d'habitude. Bon, vous me direz, il y a eu Tobira. Mais enfin, là, quand même, il est très très bon. Très très bon. Hamidou Ané. Je pense que je prononce à peu près bien. Mais attends, son prénom, c'est Anne ou Hamidou? Mais, c'est des trucs de nègre, je suis pas sûr. C'est je suis pas Anné, sûr. Peut-être. Anné, je sais pas. Mais déjà, mais j'ai été aussi déstabilisé par ce nom. Alors, dans un très très long article paru dans le journal Le Monde en rubrique Afrique. On sait même pas pourquoi, parce que le mec vit en France officiellement. Enfin, on sait pas pourquoi. Si, de notre point de vue, c'est logique. Et du point de vue de la gauche, c'est pas logique. Parce que le mec, c'est un nègre, il vit en France, à la rubrique Afrique, on sait pas pourquoi. On parlait de Daniel Obono, hein, dont s'est solidarisé le sale nègre. Dieu donné, putain. Oui. Ah, faut enchaîner, quoi. Alors, c'est un commentateur assez régulier des colonnes du Monde. Voici ce qu'il nous dit. Alors, en fait, ça s'adresse à vous, chers auditeurs. Hamidou a quelque chose à vous dire. Les détracteurs, là je le cite, hein, les détracteurs de Madame Obono ne la pensent digne que de faire la queue devant la CAF ou les Restos du Cœur. Je sais pas à qui il fait référence là. Inspirant le dégoût par-ci et la pitié par-là, mais nullement de représenter le peuple français. Or, cette France raciste, misogyne et conservatrice devra subir l'image pendant 5 ans d'une femme noire arborant son écharpe tricolore et siégeant au palais Bourbon. Il y aura d'autres Daniel Obono au Parlement français, dans les ministères et même un jour à l'Élysée, car la marche de l'histoire est ainsi faite. La France blanche, chrétienne, au risque de terroriser certains petits esprits, ça s'adresse à vous, hein, est finie. Terminée. L'avenir du monde est le métissage, avait prédit un illustre Français qui a siégé dans le même hémicycle que Daniel Obono aujourd'hui. Il s'appelait Léopold Sédar Senghor. Alors, à vous là, les petits blancs là, qui osaient encore prétendre un droit de propriété sur la France, mais quelle impudence. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Derek, je commence par toi, et ensuite Argal, qui d'ailleurs nous avait dit le plus grand bien qu'il pensait de Daniel Obono, et ce qu'il aurait fait s'il avait été parlementaire, et je ne désespère pas de voir un jour Argal parlementaire. D'abord, notre ami Derek. Alors, Hamidou Ané, là, donc je... Hamidou Ané. Ouais, alors, bon, j'invite tous les auditeurs à, s'ils ne l'ont pas vu, à faire un petit Google image, hein, comme d'habitude. C'est un sacré spécimen de cannibale que nous avons là, hein. C'est-à-dire que on a une toute petite boîte crânienne une mâchoire, oui, prognate, un prognatisme absolument délirant, hein. C'est-à-dire que la mâchoire, entre l'arrière de la tête et l'avant de la tête, si vous prenez cette distance-là, eh bien, la distance entre l'arrière de son cou et le devant de ses dents, c'est deux fois plus importante, cette distance-là. Donc c'est vous dire l'animal. Il a les chicots pourris d'ailleurs. Quel type, on ne sait pas trop de quel concret il vient, celui-là. Bah écoute, j'ai envie de te dire qu'il vient du Mordor. Hein. Là, c'est. Et bon, j'ai vu qu'il y avait une vidéo, on le voyait déblatérer. Une pause. C'est le singe savant par excellence. Alors, c'est le singe à lunettes qui a été dans une université française. D'ailleurs, il le dit, hein, il a été dans une université française. Il a fait l'ENA au Sénégal, n'est-ce pas? Et puis après, donc, vu qu'il y a des accords de coopération, il a fait l'ENA en France, hein, là, dis donc. Et je me suis tapé une vidéo de 45 minutes, voilà, merci pour moi. Ouais, alors pendant un quart d'heure, le type t'explique qu'il travaille pour l'Office du Sénégal de l'action de la... Là, bref, il répète ça pendant un quart d'heure. Et après, qu'est-ce qu'il t'explique? Oui, qu'il faut un militant. Enfin, le type est une sale gauchiasse. Qu'il faut un socle idéologique déjà bon pour les nègres. Hein, bon. je raconte le bon. L'ambition. Voilà. Ambition. Ouais, l'ambition et. Et bon, tu te rends compte au final que tu as affaire là à un nègre que même les Sénégalais avaient du mal à se le taper chez eux. Donc il s'est dit, bon, lui, il a l'air un petit peu trop aidé, on va l'envoyer en France et il va bien s'y faire. Ben ouais, il faut croire qu'effectivement, il s'y fait bien puisqu'il écrit dans les colonnes du Monde. Dans les colonnes du Monde, bien sûr. Alors, colonnes du Monde, alors, journal, comment dire, de la réaction. Journal d'extrême droite, hein, n'est-ce pas? Oui, voilà, d'extrême droite, tenu par le banquier juif Pigas. Enfin, un hasard. Coïncidence. Un hasard. Argyle, oui. ce sale nègre qui vole au secours de Daniel Obono, à la suite de Dieudonné, hein, on teasera. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sale nègre qui vient dire que la France blanche et chrétienne non seulement n'existe plus, mais n'a plus le droit de citer? Moi, je voudrais surtout revenir sur cette arrogance de l'occupant. On en parle régulièrement, il y a toujours... Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils sont dans un stade de conquête, de colonisation, et ils sont de plus en plus arrogants en nous annonçant, de manière très, très claire, très nette, vous allez crever. On va vous crever. Et si ça va pas assez vite, on le fera nous-mêmes, parce que c'est suggéré. Ils sont vraiment en position de conquête. Et ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est qu'est-ce que vous croyez qui va arriver là, avec un taux d'immigration d'entrée sur le sol français qui est de plus en plus exponentiel. On en a de plus en plus de migrants. Les blancs font de moins en moins d'enfants. Donc même. Je parlerai même à nos auditeurs qui votaient FN et qui disent bon, je vais faire ma petite vie tranquille, mais vous ne pourrez pas, parce que vous avez ces gens-là qui vont être de plus en plus nombreux, avec des gens de plus en plus arrogants, de plus en plus revanchards, qui voudront toujours plus, qui voudront dominer les blancs de plus en plus, qui seront de plus en plus gourmands et qui voudront nous conquérir, on va dire, jusqu'à notre mort, jusqu'à temps qu'ils nous aient crevés. En Afrique du Sud, alors qu'ils sont aux commandes de tout, ils en sont, parce qu'évidemment, ils n'arrivent pas du tout à avoir la même productivité que l'Afrique qui était l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, du temps de la ségrégation, et donc ils s'en prennent encore aux blancs qui restent. Et là, ils le font en France, en Europe envahie, ils le font jusqu'au bout. Et c'est ces gens-là qui sont arrogants qui nous annoncent ce qui va se passer. C'est pour ça que je dirais à tous nos auditeurs, c'est pas possible que ça continue comme ça, ça va être de pire en pire, et on sera de plus en plus persécuté, de plus en plus agressé par ces gens-là qui ne veulent qu'une chose, c'est nous remplacer, quitte à crever après, parce qu'ils sont absolument incapables de maintenir en l'état la civilisation européenne telle qu'elle est, ils seront même incapables de laisser les supermarchés qui les nourrissent, les Lidl ouverts, ce sera plus possible, ils se boufferont entre eux après, peu importe, mais ils sont dans une optique de pillage, de destruction. Et là, il y a les plus arrogants qui sont dans les plus hautes sphères de l'État ou qui écrivent dans les journaux comme Le Monde, qui sont à l'Assemblée nationale comme Daniel Obono et qui nous annoncent clairement la couleur. Et de ne pas le voir ou croire qu'il va suffire de voter Marine Le Pen, de se contenter de faire son devoir électoral ou pas, et que ça va bien se passer. Non, ça ne va pas bien se passer du tout, pas du tout, du tout. Derek. Pour revenir à ce que tu disais, Argyle, effectivement, voter Marine Le Pen parce qu'elle a mis des lunettes et qu'elle serait subitement devenue intelligente. C'est vrai que c'est pas forcément la chose à faire. C'est un peu comme les Noirs quand ils mettent des lunettes. Ils sont intellectuels comme Thuram. C'est ça, Marine Thuram, effectivement. Ce que tu disais aussi sur l'arrogance de l'envahisseur, c'est tout à fait vrai. Et sa propension à avancer, quoi. Il avance ses pions. Moi, il y a 3 ans, tu m'aurais dit qu'il y aurait des mouquères qui mèneraient leurs gosses à l'école à côté de chez moi. Je t'aurais ri au nez. Maintenant, je ris beaucoup moins. Hein. La ventilation des métèques, des islamistes, de tout ce que tu veux, de toute la saloperie raciale, idéologique, qui nous veut du bien, hein, c'est pour tout le monde. C'est participatif, n'est-ce pas? Alors moi, Argyle a un point extrêmement important, et j'ai envie d'y revenir. Il dit, voilà, à ceux qui nous écoutent, hein, nos auditeurs, je pense que beaucoup le savent, bien sûr, mais certains s'interrogent ou se posent des questions. Je veux dire, ils le disent. Ils le disent eux-mêmes. Alors, il le dit, il y aura, donc c'est le nègre Amidou qui s'exprime, le nègre musulman Amidou qui dit, il y aura d'autres Daniel Obono. Donc, alors, Obono, c'est qui? C'est la porte-voix, la porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale française de la France insoumise, entre guillemets, de Mélenchon, qui a des liens avec le Parti des indigènes de la République. Alors, les indigènes, bon, alors, c'est l'Algérienne Bouteja qui... Voilà, c'est-à-dire que c'est les gens... Enfin, il faut quand même revenir là-dessus. C'est des gens comme Bouteja qui prétendent être des indigènes en France. Enfin, je veux dire, faut... Non, mais c'est l'asile de fou, quoi. Enfin, bon... on en arrive à devoir commenter l'indigénat algérien en France, c'est vous dire l'asile total dans lequel on se trouve. Et donc ce nègre, ce sale nègre avec ses lunettes, nous dit « Ah ben il y en avait d'autres !»« Ah mais évidemment mon bon monsieur, il va y en avoir d'autres, des commentateurs, des politiciens qui vont arriver, qui vont déconstruire la France raciste et colonialiste, c'est évident, mais bien sûr !» Nous avons toujours lutté pour l'émancipation de notre peuple. Ils vont pas arrêter avec ça, vous voyez. Et alors, ils vont déposséder les Blancs parce que les Blancs sont criminels à leurs yeux d'être ce qu'ils sont. C'est-à-dire le carburant de toute cette race maudite. Des nègres, les islamistes, les Algériens. Ces gens carburent au racisme et à la haine. D'accord, alors moi je dis racisme pour racisme. Donc, il va falloir quand même un petit peu se réveiller à droite, à gauche, chez les Blancs. Reconnaître qu'on a un front racial en face de nous, en constituer un pour nous aussi, et donc de prendre les Amidou Mekouille pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui sont des apologètes de la haine raciale, et du combat, et qui veulent mener une guerre raciale. Et il a raison quand il dit, voilà, il y aura d'autres Obono. Bien sûr il y aura d'autres Obono. Et ils seront dans les ministères. Bien sûr ils seront dans les ministères. Et ils seront dans la gendarmerie. Et ils seront dans la magistrature. Vous voyez, et c'est là que l'escroquerie se situe, c'est-à-dire c'est de faire croire qu'il y a une espèce de consensus démocratique, républicain comme ils disent, on a tous ces trous du cul là, consensus institutionnel républicain, l'objectivité, il n'y a pas d'objectivité, il y a une guerre raciale impitoyable pour la survie, pour l'espace, pour aussi les futures générations, et ces gens-là veulent nous crever. Argyle l'a bien souligné, tu l'as bien dit aussi d'ailleurs, Derek. Ils nous le disent, ils l'écrivent. Le journal Le Monde, les journaux juifs nous le foutent sous le nez. Ils nous le disent, voilà, on va vous crever, on va vous éliminer. Il n'y a pas de question à se poser. Donc moi, ce que je dis, il est temps de réagir en conséquence. C'est-à-dire qu'on abandonne un petit peu le ton policé, machin truc, là, sur des histoires à coucher dehors, là, de souveraineté, machin. Qu'est-ce que tu vas avoir de souveraineté, l'euro, mes couilles, quand putain, tu contrôles pas ton quartier? Quand tu vas dans ta préfecture, il n'y a que des putains de Sénégalais, de Maliens, d'Algériens hostiles qui te matent. Je veux dire, tu n'es plus chez toi dans une préfecture. Qu'est-ce que tu vas me parler de souveraineté de merde administrative? Ça n'existe plus. On est dans le théâtre total. Ouais. Et moi, donc j'appelle vraiment ceux qui nous écoutent à décrocher de toutes les conneries qu'ils écoutent, à lire les nègres qui savent écrire, parce qu'à mon avis, là, il a dû bosser, il a bien dû bosser 72 heures sur son texte, ça fait bien 3 jours qu'il a penché dessus, le pauvre garçon, pour arriver à essayer d'articuler 3 phrases, là, pour nous dire, en fait, voilà, on va vous crever, déjà qu'on se crève entre nous à la machette, alors autant vous dire que les Blancs, on les porte dans notre cœur, quoi, voilà, bon, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. L'agenda est clair. Après, par contre, il y a une chose qui est sûre avec eux, c'est que ça sera jamais, si tu veux, d'un seul coup, tous les Noirs qui se lèvent et qui, ça sera toujours éparpillé, quoi. Ça sera parce qu'ils sont incapables de s'organiser en grands groupes, comme ça, ils sont beaucoup trop tribaux. Les islamistes sont plus organisés, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est pire, c'est un point que tu soulèves qui est très important. Et en fait, c'est crucial, en fait. Mais merci, Astérix, de le soulever. On ne doit pas laisser la société que veulent créer tous ces gens qui nous gouvernent être mise en place. Pourquoi ? Parce que, enfin, nous, quand on arrive, on dit qu'il faut une solution globale. Et ceux qui sont en place vous disent « Mais non, mais attendez, il y a toujours des façons, de trucs, de machin, on va faire une loi, on va prendre ceci, puis on va durcir un peu de ça. » Mais en fait, c'est l'enfer progressif qui s'installe pour des générations et des générations et des générations. Les gens qui vous disent « On va aménager le chaos, on va aménager l'enfer », sont des lâches, sont des égoïstes qui ne pensent pas à ceux qui viennent après eux. Derek. Ouais, juste un petit truc là que j'avais oublié sur le nègre là. Pour nos amis de la francophonie, hein, les francoïdes et compagnie, le Hamidou en question, il a fait des études de lettres. Et pour ses études, il a choisi de n'étudier que des écrivains francophones, mais non français. Vous voyez, hein, ah. Voilà. C'est... La gratitude. Voilà. Et puis donc là, il vient en France te dire que oui, mais là, tu vas te manger du nègre. Vas-y. Et puis c'est comme ça. Ferme ta gueule. Voilà. Je trouvais que c'était une touche assez poétique qui méritait d'être rappelée. C'est putain, le singe à lunettes, mais quelle création française! Oui. L'agrégé de grand-mère, n'est-ce pas? Et alors, je ne maudirai jamais assez la mémoire de Mangin, tu vois, cette espèce d'ordure qui nous a inventé les bataillons de nègres. C'est absolument ignoble. Ignoble. Bon, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après, chers amis. On va voir de quoi parler, hein, on va voir de quoi parler là, je pense. Tout de suite. We'll be right back. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de la saison numéro 2 de Démocratie Participative, épisode numéro 39. Déjà épisode 39. Alors, avant de nous lancer dans le sujet de la semaine, une anecdote qui m'a paru assez intéressante, assez révélatrice, c'est la liste des prénoms féminins dans le département de Seine-Saint-Denis. Bon, alors, pas en français des portes ouvertes, mais enfin bon, c'était sur BFM TV. Alors, je vous la livre intégralement. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a un suspense ? Non. Alors, Fatima... Numéro 10, Jade. Hein, Jade. Numéro 9, Mariam. Numéro 8, Asia. Numéro 7, Yasmine. Numéro 6, Nour. Numéro 5, Aya. Numéro 4, Inaya. Numéro 3, Sarah, autant pour moi. Numéro 2, Inès. Alors, Inès, Inas ou Enas, donc c'est écrit en arabe, Inas, est un prénom arabe signifiant sympathique ou généreuse. Hein. Très sympathique. C'est dans Wikipédia, ça, donc voilà. C'est pas parce qu'ils mettent un accent sur Inès que c'est un nom latin, machin truc, et tout d'un coup, il y a plein de chrétiennes qui sont nées en Seine-Saint-Denis, de grâce. Tous les noms précédents sont des noms de Bougnoul. Alors, le grand gagnant étant Lina. Rebelote, Lina, c'est un nom latin. Mais non, c'est pas un nom latin, c'est aussi un nom de Bougnoul. Je vous donne l'origine. Lina est un prénom féminin d'origine arabe, donc également, et cité dans le Coran pour désigner, alors accrochez-vous là, ça, c'est couleur locale, hein, un jeune palmier donnant des dattes tendres. Alors, j'ai vu qu'il y avait Aya aussi. Aya, c'est... Ça, c'est clairement africain, ça. Hein. C'est, yeah, ouais. C'est noir. Et Inaya. Inaya, c'est pareil, quoi, je pense. Ouais, ça, je sais pas, mais... Ouais, ouais, ça se prononce un peu comme un cri de bête, un cri bestial. C'est assez moche. Nour, Yasmine, Asia. Donc, en fait, là, je vous ai donné 10 noms. Non, les 10 premiers noms de la Seine-Saint-Denis. Donc, Jade, Mariam, Asia, Yasmine, Nour, Aya, Inaya... Sarah, Inès, Lina, c'est que des noms africains, musulmans, voilà. C'est, on dirait qu'il fait l'appel dans une classe de collège. Et c'est terminé. Voilà, là c'est probant, c'est manifeste. Voilà, le remplacement de population est acté. Ça ne fait pas du tout la une des journaux, c'est-à-dire que c'est pas présenté comme ça dans BFM TV. BFM TV, ils disent pas « Tous les noms de Seine-Saint-Denis sont des noms musulmans, machin. Ben » Non, c'est des noms populaires. C'est des quartiers populaires. C'est des quartiers populaires. C'est populaire, c'est tout. Allez, les Bougnoul, c'est très populaire. Hein. Oh, c'est tout ça, c'est très populaire. Alors, quelqu'un veut faire son commentaire là-dessus ou bien pas spécialement ? Non ? Moi, j'ai trouvé ça vraiment frappant parce que c'est la manifestation de ce qu'on vit. Hein. Ben moi, j'aurais pensé qu'il y ait plus de noms de nègres quand même parce que, au vu je reste traumatisé par la vidéo de notre. Citoyen participatif hein, de la semaine dernière. T'es le 18e. Ah, autant pour moi, j'ai du mal avec l'île de France, j'ai du mal, excusez-moi. Mais bon. Mais les noms de nègres, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de nègres qui ont des prénoms chrétiens, donc ça diminue la proportion. Quoi. Voilà, ouais, possible. Oui, c'est vrai que les nègres, souvent, sont plus exotiques eux-mêmes, hein, plus créatifs avec leurs noms. Alors que les Bougnoul, quand même, ça reste très très concentré. Hein. Oui, il y a aussi les nègres qui ont des Antilles, quoi, qui ont les noms de leurs maîtres esclavagistes. C'est assez rigolo. Si tu vois du Anatole quelque part dans le 93, c'est très suspect. Oui, mais c'est, Anatole, c'était le chef, quoi, c'était le patron. Mon Dieu. Bon, bref. Donc, remplacement population... Ouais, si vous voyez des Karl Alexandre, hein, voilà, faut... Voilà, c'est ça, ouais. Alors, le grand remplacement, une théorie conspirationniste, hein, bien sûr, évidemment, c'est tout à fait évident. Le 93, avec ses Nour et ses Yasmine, est un laboratoire de l'extrême droite. C'est un laboratoire de l'extrême droite, messieurs, c'est un laboratoire de l'extrême droite. Alors, bon, c'était en forme d'anecdote, mais alors passons au débat de la semaine maintenant. Le terrorisme de l'ultra-droite, comme vous l'avez remarqué, qui sévit de plus en plus. La presse en est fait l'écho. Interpellation d'un individu, voilà, hein, qui était un cerveau, hein, clairement, quelqu'un de très brillant, qui avait pendant très longtemps préparé des coups, visiblement, sur Facebook. Hein, sur Facebook, c'est là où ça se passe quelque part, hein, le terrorisme. Et jeuxvideo.com. Et jeuxvideo.com. Et, voilà. les musulmans ont peur, hein. Je veux dire, là, ils flippent. Voilà, et donc, bon, bah, attention, l'État veille, la République est vigilante. Mesdames, messieurs, vous pouvez dormir tranquille. Non, les nazis ne vont pas prendre le pouvoir par la force après-demain, rassurez-vous. Voilà, c'est en gros, en substance, le message qu'a délivré le ministère de l'Intérieur. Et donc, cette menace extrêmement grave, incarnée par un individu suivi sur Facebook par peut-être 3 ou 4 autres pelés, a été neutralisée. Sur ces entrefaites, messieurs, Mélenchon s'est saisi de l'affaire pour, dans un premier temps, demander l'interdiction du local de l'Action française à Marseille. Alors, qui veut réagir là-dessus, là ? C'est sorti de nulle part, il nous a fait un courrier, mais enflammé, en disant « mon Dieu, la République est menacée par l'Action française !» On sait même pas ce qu'il vient de foutre là-dedans. Enfin bon, voilà. Qui veut réagir là-dessus ? Action française. Bon. J'ai... Allez, mes sentiments vis-à-vis de l'Action française sont quand même relativement mitigés, si tu veux. Donc, je sais pas si... En bonne poly, conscience, hein. je vais être un bon avocat pour eux. Je ne sais pas. Quelqu'un veut y aller ? Oui, je vais y aller. Hein. Alors, je suis là, je dormais dans le studio, mais j'écoutais d'une oreille attentive. Mais en bon gauchiste, Mélenchon fait ce que les communistes ont toujours fait, c'est-à-dire accuser les mains, alors qu'ils ont les mains pleines de sang, accuser leurs adversaires politiques de violence et de terrorisme. Je veux dire, le terrorisme en France a été très longtemps d'extrême gauche. L'extrême droite, je suis désolé, mais entre Maxime Brunery et Logan, c'est quand même des tocards finis. Des déséquilibrés, hein, au sens propre du terme, des gens qui ont un passé psychiatrique lourd et connu. Et Mélenchon, bah, il fait son boulot de gauchiste. Il fait de l'agit-propre politique. Là, j'ai vu très récemment des gauchistes appeler à la violence pour la Palestine dans la place de la mairie de ma ville. Est-ce qu'ils font de l'apologie du terrorisme? Peut-être. D'un certain point de vue, ils le font, mais c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. L'Action française, c'est vraiment... Mais j'ai rien contre les intellectuels de l'Action française. Ils sont dans leur trip avec leurs petits t-shirts bleus et jaunes. Juste pour revenir au terrorisme d'ultra-droite, la chose la plus dangereuse qu'il ait faite, c'est d'envoyer des photos de Vendel en rifle à des gonzesses sur Facebook. Hein. Voilà, MP, c'est tout. Donc en fait, l'État républicain en est à un tel état de désespoir, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a tellement que des bougnoules assoiffés de sang, des nègres fous qui violent, etc., des gitans qui squattent absolument partout, 570 bidonvilles de gitans en France, recensés, hein, recherchez ça sur Google Actualité, vous allez trouver, ils n'ont tellement rien, et en fait c'est bon, je sais pas comment formuler ça, mais disons, ils ont tellement rien à se mettre sous la dent que ils ont un type, tu vois, sur Facebook qui a envoyé des messages à des potes sur Facebook et qui aurait pu peut-être menacer quelqu'un. Non mais soyons sérieux, je veux dire, on en est là. C'est ça la menace. C'est un truc médiatique surtout, hein. C'est exactement ça. Surtout qu'au niveau de l'Action française, bon, quand même. Il y a pas de... Attends, je pointe un truc. Oui. Il n'y a pas de lien organique entre l'Action française et l'individu interpellé. Ah, c'est ça le truc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je souligne simplement parce que je dis là où on en est, on va faire un point si tu veux. Elle est quand même présidée par un descendant de tirailleurs soudanais si tu veux. Enfin, bon. Donc à partir de là, Mélenchon. J'ai pas compris. C'est quoi l'histoire de tirailleurs? C'est-à-dire que le président de l'Action française, je crois que c'est un certain François Belker, il me semble. Belker Oui. Et oui, c'est un descendant de, alors son grand-père, tirailleur soudanais. Alors c'est le royalisme à la française. Hein. Maintenant, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. Ah, j'ignorais totalement ce truc-là, moi. Ah bah c'est, non, mais c'est nouveau, c'est tout nouveau. Donc, voilà. Non mais moi aussi, j'ignorais, voilà, découverte hier soir. Parce que bon, l'action française, voilà, ça ne me passionnait pas plus que ça, le royalisme. Mais je découvre ça hier. Et je me dis, ah, c'est marrant. Et donc là, Mélenchon, en fait, empêche la diversité d'accéder à la tête du royalisme français. Et moi, ça me choque. J'en ai marre. Non, mais... Attends, Belker, il est blanc, il est pas noir. Hein. Ah bah écoute, il est... je sais pas si... comme un Malek. Tu appelles ça comme tu veux. Moi, je sais qu'il est descendant de tirailleurs soudanais. Donc après, tu fais ton marché, voilà, tu te démerdes. Ouais, tu vois, j'ignorais, mais ouais, je remarque qu'il a une espèce de, tu vois, ses dents sont disposées un peu comme celles d'Amalek. Ah. Aha. Et peut-être qu'il y a quelque chose là. Peut-être la mise au point d'un futur test dentaire, docteur Guigny. Oui, absolument. Oui, mise au point d'un futur test dentaire. J'y réfléchirai. Non, mais j'ignorais, moi, que l'action française... C'est... Non, mais l'action française, c'est aussi les mecs qui avaient cru bon d'inviter en conférence Nomade Patriote. C'est juste un carteron, le mec. Un carteron. Allez, un petit quart de nègre. Allez, un petit quart de nègre. Bon. Allez, non, royalisme. Bah ouais. Cette affaire, ça me rappelle beaucoup Clément Méric. Enfin, c'est pareil. On monte en épingle une histoire qui est de la merde à la base. On en fait une narration avec les grands méchants d'extrême droite et puis on chope une assoce comme ça au hasard. Alors, comme la dernière fois, ils avaient fait l'heure française, ils se sont dit, tiens, bah dis donc, on va recommencer, on va faire l'action française cette fois-ci. Allez, ok, ça marche. C'est tellement bidon, quoi. Alors, moi, je pense qu'il y a des gens, des vrais militants à l'action française, je pense qu'il y a vraiment des gens sincères. À Marseille, surtout, parce qu'à Marseille, enfin, c'est pour ça que je comprends pas bien l'histoire du... Je vois pas, je connais pas les gens d'Action française au niveau de ce qu'ils perçoivent de la réalité. Écoute, moi je peux t'en parler si tu veux. Non mais t'as des mecs dans le sud, t'as des mecs comme Bompard, les identitaires assez sérieux. T'arrives là, Action française, tu vends ta francophonie à tout. Non mais. Mais c'est ça. Stop. Laissez-moi questionner. D'ailleurs, ceux qui écouteront l'émission, même les gens de l'Action française qui écoutent, nous diront leur point de vue. Moi, je m'interroge, je sais pas. Je veux dire, c'est ce que je disais d'ailleurs à un jeune de l'Action française. Je disais, attendez, les gars, vous êtes à Marseille, entouré de bamboulas, d'arabes, d'islamistes, de barbus de toutes les couleurs qui veulent vous égorger. C'est pas possible que vous n'ayez pas commencé à appréhender la réalité raciale. Enfin, c'est. Je comprends pas quoi, je veux dire, j'ai du mal à saisir en fait. Alors, peut-être que moi je me suis gouré, peut-être que j'ai mal lu en fait ce que dit l'Action française et qu'elle est très claire là-dessus, je sais pas. Ou alors, peut-être que certains militants sont totalement nos idées et certains le sont pas du tout, j'en sais foutre rien. Mais c'est pas possible, je veux dire. La France et l'Europe, enfin l'Occident, est en train d'être submergé par les bamboulas, les musulmans, les égorgeurs, les enculeurs de chèvres. Mais de toutes les couleurs, de toutes les spécificités, peu importe, on peut pas en être, je veux dire, à Maurras qui aime pas les blonds yeux bleus, je veux dire, au secours, quoi, je veux dire, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible encore, ça, c'est pas l'action française. Non mais attends, parce qu'il y a un truc qui plaît dans la faveur de l'action française, en tout cas de l'action française à Marseille, c'est-à-dire que les types tiennent le terrain face à des immondes gauchistes de merde, la pire crasse anarcho-communiste, ils essayent de les assassiner avec des attentats bidons, ils les fracassent, ils attaquent leurs militants, je veux dire, les mecs de l'AF sont... Tu vois, je veux dire, moi, c'est ce que je vois, enfin, sur le terrain, à Marseille, les mecs de l'AF sont des mecs bien, tu vois. Ils essayent de tenir le pavé face à la vermine, quoi. Et... Enfin, ça fait le lien avec Mélenchon, on va revenir avec Mélenchon, hein, pourquoi il les attaque. Justement, quoi, je veux dire que les types sont sur le terrain, à Marseille, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait encore une présence française à Marseille, on en est là. T'as Mélenchon, cette espèce de gros enculé de frère 3 points qui vient leur sauter sur le, enfin sur le dos pour les faire interdire. Mais effectivement, je suis pas certain que toute la F au plan français quoi soit sur la même ligne que les mecs de Marseille quoi. Bah pour moi les mecs de Marseille ils sont bien quoi. Ouais, peut-être que le fait d'avoir un clone d'Amalek à la tête du truc ça les refroidit un peu sur la question raciale, non? Moi je l'ai pas vu. Attends. Moi, après ça dépend. Je vois pas en quoi aller lire des textes de Maurras comme des Fada ou Cour Julien, ça vraiment... Pas l'intérêt. Ouais, non, mais ça dépend des coins. Parce que si t'es un jeune blanc qui vit dans un quartier de merde à Marseille, et qu'effectivement, le seul mouvement qui offre un local pour te préserver un minimum de la sauvagerie bougnoulique et de la sauvagerie nègre, tu vas à la F. Effectivement, les mecs ont quand même des couilles, hein. Des couilles en acier, parce que, putain, ils sont dans un quartier gauchiste, et ils sont représentés comme les pires enculés du monde. Moi, je leur tire quand même mon chapeau, mais si par hasard, il y a un jeune blanc qui voudrait aller à la F, écoute, je sais pas, intéresse-toi à Maurras et puis dis-toi que c'est de l'histoire, c'est du passé, c'est terminé. Je veux dire, Maurras, c'est comme, comment ça s'appelle là, Proudhon, là. Maintenant, t'as une ressucée de Proudhon. C'est terminé tout ça, c'est terminé, on n'est plus dans le même cadre. Là, on est dans un cadre, on est envahi par des putains d'Africains. Et on va devenir minoritaire dans très peu de temps. On l'est déjà dans certaines franges de... On est plus dans une époque carnet de Turner, quoi. C'est... Oui, voilà, pas pour passer pour un vieux sage, un père la morale, mais il faut bien comprendre que les guignols qui se sont fait prendre là et qui vont morfler, vont forcément morfler, ils morfent déjà, hein, puisque le principal instigateur en fait du terrorisme fantasmé par l'État en fait est déjà emprisonné depuis le mois de juin. Tout ça pour des conneries mises sur Facebook, d'avoir mis des photos d'armes, envoyé des photos d'armes, enfin, avoir annoncé de manière vachement discrète, hein, parce que voilà, je vous donne un conseil, si vous entendez faire une guerre révolutionnaire armée, commettre des actes de terrorisme, surtout parlez-en dans les réseaux sociaux, recrutés par les réseaux sociaux, qui ne sont absolument pas surveillés. Enfin voilà, ceci dit, bon, au-delà d'ironie, je dirais à nos auditeurs, faites attention, ne vous faites pas plaisir en prenant des photos de vous avec des armes, en les mettant sur Facebook, ça peut se retourner contre vous, à cause de l'État en place, qui ne vous porte pas dans son cœur, et qui, pour une petite connerie que vous estimez complètement dérisoire, vous pouvez très bien vous retrouver comme quelqu'un qui va fomenter des actes de terrorisme, parce qu'on va lier la photo où vous posez avec une vanne de long riff, avec un article où vous diriez que, par exemple, ce serait bien de nettoyer certains quartiers de Paris ou d'Île-de-France au napalm. Voilà, ils vont dire, ah ben voilà, vous voyez, il a des armes, en plus, il veut nettoyer au napalm. Et là, vous vous retrouvez en détention préventive pendant 6 mois, avec toute la diversité, mais alors là, la crème de la crème. Hein. Donc, si vous voulez éviter ça, évitez les conneries sur les réseaux sociaux qui sont surveillés, qui ont d'ailleurs mis pas mal de types des renseignements généraux au chômage, puisqu'il n'y a qu'à piocher dans les réseaux sociaux, souvent, pour avoir pas mal de renseignements sur une extrême droite qui n'est évidemment absolument pas révolutionnaire, mais qui fantasme aussi, autant que l'État. Hein. Donc, évitez toutes ces conneries, ça vous évitera d'aller devant les tribunaux pour rien, puisque déjà pour de simples propos, des délits d'opinion, on est traîné devant les tribunaux, hein, en France soviétique. Et si vous insistez un petit peu, selon le contexte, si vous avez des propos guerriers sur les réseaux sociaux, et bien il peut vous arriver ce genre de choses. Parce que quand l'État décide de créer de toutes pièces une cellule terroriste d'extrême droite, et bien là, il a pris 10 types en prenant un peu plus guignol que les autres, et il s'est servi en fait de rien, de propos virtuels qui n'auraient abouti évidemment à rien. Donc je vous mets en garde, ça ne sert à rien. En plus, ça décrédibilise carrément, parce que souvent, ce sont des conneries monumentales, des fantasmes de type qui, leur seul activisme politique, c'est de jouer à Call of Duty, et après, à croire qu'ils vont faire ça dans les rues de France. Donc voilà, soyez prudents. Derek. Oui, juste rapidement, hein, à propos, peut-être pour conclure, hein, cette histoire-là, même le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, Bon, il a fait une interview pour dire que le groupe en question, etc., les risques, le niveau de risque qui était impliqué par ces prétendus terroristes, etc., c'était en fait pas grand chose. Hein. C'était pas l'équipe la plus dangereuse ou professionnelle qu'ils avaient eue. Voilà. Bon. Peut-être que c'est le ministre qui va le sauver de son procès. Il a le nez fin. Ouais. Enfin bon, le même Bougnoul qui fait la même chose sur les réseaux sociaux en menaçant, je sais pas, de buter un prof, il prend c'est même la pas liberté de religion. Ah oui, c'est la liberté de religion, ça, c'est normal. Bah, c'est le pas d'amalgame et c'est la discrimination de race. Enchaîner avec la performance de Mélenchon. Vous l'avez remarqué, Mélenchon s'est manifesté, il a des idées très claires sur le sujet, et en fait, il a littéralement piraté la communication gouvernementale. Il a retourné l'affaire à son compte, se posant en victime. Vous l'avez vu, ça? Oh, oui, on a vu. Oui, oui, l'Assemblée nationale, effectivement. Il s'est Donc, fait, en fait, il a pleuré, quoi. C'était assez émouvant, d'ailleurs. Le type a littéralement pris 600 députés, pratiquement, enfin 570 et quelques, comme témoin de moralité en disant « Voilà, je suis, moi, représentant de la nation victime du terrorisme, d'extrême droite, machin. » Il a cité, et en fait, il avait bien calculé son coup. Et c'est là qu'on a affaire à un politicien, pour le coup, vraiment, quoi. En disant « Ouais, mais c'est l'action française, donc c'est les monarchistes. » On imagine la menace monarchiste en France, aujourd'hui, 2017, quoi. La menace monarchiste, hein. On est beaucoup plus proche, à mon avis, de l'instauration du califat que la réinstauration de la monarchie de droit divin, mais bon, c'est mon avis. Politiquement, c'est pas que c'est assez fin, en fait, ce qu'il fait. Il a raison de le faire, je veux dire, il est au milieu de guignols. Alors lui, il est relativement habile, moi je pense pas que ce soit un génie, loin de là. Mais quand t'es entouré d'abrutis, bah tu passes pour un génie. Je suis d'accord avec toi, mais attends, il nous a fait son numéro, enfin, il faut voir le truc, à l'Assemblée nationale, je veux dire, il y a toute l'Assemblée qui l'a applaudi, genre, alors, le truc, c'est qu'il a fait le lien entre le gars qui voulait, je sais pas quoi, attaquer je sais pas qui a rien à voir avec l'Action française, et l'Action française, donc le type, en fait, fait le lien avec un local, parce que ça l'emmerde politiquement au plan local, et voilà, et tu as tout ce ramassis de députés de merde. Je veux dire, c'est ça le parlementarisme, ils sont tous là, ouais, c'est bon, on va niquer. En France, en 2017, l'obsession des parlementaires, c'est de venir à bout du terrorisme d'extrême droite représenté par l'Action française qui tient un local, quelque part à Marseille, pendant que tout le pays est pris d'assaut par les nègres et les bougnoules, à coups d'attentats au camion, d'attentats à la bombe, d'attentats au couteau, de viols, dans tous les sens. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cet asile de fous, putain? Mais ça sert plus à rien. Je pense qu'il se fout dans le caniveau tout seul, en fait. Il y a juste attendre, mais le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, je pense que ça va être un capharnaüm tel que, voilà, hein, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rester au milieu du caniveau aussi, parce qu'à un moment, il n'y aura que des caniveaux, en fait. Il n'y aura que des ordures, que des nègres, voilà. Donc, chacun son plan, chacun son projet. Moi, je ne vous conseille pas de rester dans le caniveau, quand même. Bah, le problème, c'est que tout le monde... Tu peux pas, parce que je pense qu'en France, il y a 50 millions de blancs. 50 millions de blancs ne peuvent pas se barrer. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est différent pour tout le monde. Mais effectivement, les gens qui sont peut-être un petit peu à la campagne, qui ne sont pas forcément entourés par une quantité trop importante de métèques, je ne sais pas, qui ont un peu d'autonomie. Mais bon, je n'imagine même pas, dans les 10 ans ou 15 ans, rester dans une grande agglomération française. Hein. Je ne vois pas, enfin, en tant que blanc, à part avoir des envies de suicide, je vois pas le projet. Hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, non. Surtout qu'il y a une accélération, là. Ces 4-5 dernières années, où nous avons ventilé du nègre parisien. Bien sûr, c'est un bien grand sûr, du tout, mais de toutes les races, c'est invraisemblable. Alors, Jean-Marie Le Pen, je tiens à saluer Jean-Marie Le Pen qui a... Qui, parce que, tu vois, Jean-Marie, j'ai beaucoup de choses à dire sur Jean-Marie, mais là, il a été présent, il a vraiment réagi. Il a dit ça sur Twitter. L'hommage grotesque rendu par l'Assemblée nationale à Mélenchon, soi-disant cible d'un attentat bidon, est un des signes de notre décadence. Bravo Jean-Marie, je suis très content que tu aies réagi comme ça. Parce que c'est pas Marine Le Pen qui nous aurait gratifié d'une réaction comme ça. Je veux dire, elle est où celle-là? Nulle part. Ben là, elle est en train d'étudier la vie de Dalida. Non, mais elle a mis ses lunettes et elle écrit des choses intéressantes. Non mais attendez, non mais Jean-Marie Le Pen, imagine, il a 80, bientôt 90 ans, c'est lui qui a le mot le plus sensé de toute la classe politique. Non, mais on en est là, c'est aberrant. Personne n'a pris son truc en disant mais attendez, c'est quoi cette arnaque? Depuis quand Mélenchon représente quoi que ce soit, si ce n'est une espèce de sale métèque de merde du Grand Orient de France? Qu'est-ce que c'est que ce sac à chiasse? Personne n'est là pour lui cracher à la gueule. Moi, j'aurais pris la défense de l'Action française déjà pour commencer. Je veux dire, pas parce que mes idées sont les mêmes du tout. J'ai beaucoup divergé. Mais de grâce! Pas Mélenchon, je veux dire, ce sac à merde, non, quoi. Et. Bon, voilà, non. Il y a Jean-Marie Le Pen, voilà, qui a fait preuve de lucidité. Probablement parce qu'il a la culture et il a le souvenir d'une France qui était encore européenne où on pouvait encore parler entre gens décents qui. Je sais pas, qui résonnent ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est le seul. Moi, de tout ce que j'ai vu, c'est le seul, pratiquement, quoi. Hein, qui... Enfin, il y a Jean-Yves Le Gallou aussi. Jean-Yves Le Gallou a dénoncé ce truc bidon du terrorisme d'extrême droite, quoi, donc c'était un peu plus large. Mais vraiment, sur l'affaire Mélenchon, c'est ça, quoi. Et Mélenchon, en fait, on le comprend. Là, j'avais envie de parler un peu de Mélenchon. C'est le type, là, depuis récemment... Enfin, récemment, il défrait la chronique. Pour raison que vous savez. Alors, en fait, le mec, il est en train de recycler les gens de Boutelja, ou Roya Boutelja... Le parti des ingénieurs de la République, donc vraiment la guerre raciale contre les Blancs en France, quoi. Donc la destruction de la France, la destruction des Français. C'est du blanchiment d'électeurs extrémistes métèques. Totalement. Pas blanchiment, par contre. Oui, non, au sens de blanchiment d'argent, c'est la lessive. Il avait ses proximités, qui étaient d'ailleurs, avec Obono, de plus en plus exposées, ça devenait de plus en plus malaise. Il avait Corbière... qui squatte à un HLM, il s'est dit « Oh, le terrorisme d'extrême droite monarchiste !» Ah bah ça tombe bien ça, tu vois. Et hop, il est dans ce truc, sauf que le terrorisme en question, le pseudo-terroriste en question n'a rien de monarchiste. Lui, il fait le lien, la presse de gauche, qui ne savait plus comment faire pour sauver le cul de Mélenchon, saute là-dessus, le recycle, en 3 jours, on ne parle plus de Corbière et de son HLM dérangeant, on ne parle plus... De Bonobo et de ses amis islamistes. Des impôts et cotisations en retard de Raquel Garrido et son horrible trogne de nègre. De négresse. Voilà, tout ça est oublié. On ne parle plus que de la formidable menace terroriste de l'État chrétien, hein, parce qu'après il y a l'État islamique, il y a l'État chrétien, de l'Action française. Voilà, donc on va tous. Mais putain, et l'opinion suit. Voilà. Extraordinaire, fabuleux. Et on a eu que Le Pen pour réagir. Mais pas Marine Le Pen. Ben non, Marine Le Pen est très occupée. Parlons un petit peu de Marine Le Pen, si vous voulez bien. Parce que celle-là va pas s'en sortir comme ça non plus. Elle arrive. Alors, elle a chaussé des lunettes. Visiblement, elle pense que ça la rend plus intelligente ou ça lui donne l'air plus intelligent. Je vous laisse juger. Et donc, elle intervient à la télévision pour nous dire, voilà, alors le grand retour médiatique de Marine Le Pen après mai 2017, ça y est, hein, j'ai tout compris, c'est bon, Marine Le Pen 2022, voire franchement 2027, c'est presque une évidence. Marine Le Pen pour Milan, hein, le Reich de Marine Le Pen pour Milan, c'est au programme. Je vais prendre vos réactions. Argyle, c'est pour toi. Je veux ta réaction à chaud. Ne te réserve pas. Sois franc. Oui, je vais donner un avis nuancé sur Marine Le Pen, comme d'habitude, que je porte vraiment dans mon cœur. Là, elle a été, pour ceux qui ont regardé sa prestation à l'émission politique, je parle pour ceux qui ont regardé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a regardé, hein. Elle a fait deux fois moins que Édouard Philippe, qui est quand même relativement soporifique. Et donc, voilà, celle qui est censée représenter voilà, la droite nationale, et qui, par exemple, son père arrivait à mobiliser même les gens qui ne l'aimaient pas. Quand il passait à la télé, voilà, tout le monde se précipitait. Et là, elle a fait l'émission, n'a pas enregistré son plus mauvais score. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, en particulier, que les Français ne lui font plus confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu la base. On pourrait imaginer que ceux qui ont voté pour elle se disent « Ah ben voilà, voilà notre championne, on va l'écouter ». Non, je crois que ils ont été tellement. Son électorat s'est pris un gros coup sur la tête en s'apercevant, en fait, que c'était une burne. Ils ont été vexés. Ils ont été même honteux pour beaucoup, que ce soit des militants, des adhérents, quand ils l'ont vu au débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Et là, le fait qu'elle fasse exactement la même chose, parce que le départ de Philippot n'a strictement rien changé. Cet immonde sac à foutre a beau dire que le Front National revient à ses vieux démons, mais pas du tout. Marine Le Pen est exactement sur la même ligne. Et si Philippot était venu au Front National, c'est parce que justement Marine Le Pen pensait comme lui. Et elle pense comme Philippot. C'est exactement la même chose. Et là, elle a été sur la même ligne. À aucun moment, elle a été offensive. Il a fallu qu'elle lèche le cul des musulmans quand elle apparaît nos compatriotes musulmans. Mais comme si les Français avaient besoin d'entendre ça, comme si on comptait sur les compatriotes musulmans. Elle a été soft sur tous les sujets, enfin, comme elle a été. À aucun moment, c'est revenu. Voilà, mais même Wauquiez, il aurait été plus à droite qu'elle. Elle a été, mais lamentable. Alors, le seul changement, c'était ces jolies lunettes, là, qu'elle a peut-être empruntées à Brasillac, je sais pas. Mais bon, à mon avis, c'est pas cette référence-là qu'elle a dû rechercher. Et avoir sa bouche alignée, sa bouche qui ressemble à un Vilanus fatigué, tout fripé, qu'elle était en train de raconter la même merde que d'habitude. Voilà, c'était mou, c'était tiédasse, c'était comme si les gens attendaient ça. Pendant ce temps-là, t'as quand même Trump qui s'est fait élire aux États-Unis en étant totalement outrancier, en faisant du Jean-Marie Le Pen, en rentrant dans la gueule. Mais comment la droite nationale pouvoir se réveiller de ça? Parce que Marine Le Pen va rester, va continuer à vivoter, peu importe les scores électoraux qu'elle fera, puisque de toute façon, c'est une rente familiale hein, dont elle a hérité, même si elle a tué le père, et elle va rester sur cette même ligne, parce qu'elle préférera tout sacrifier plutôt que de déplaire à la bien-pensance de gauche, qui pourtant lui défèque dessus quand il le faut, quand il y a le moindre risque que le Front National accède à une responsabilité à un exécutif, la diabolisation reprend directement. La dédiabolisation n'a strictement pas fonctionné, elle continue sur la même voie. Je pense que cette femme est une calamité, que le peu de gens sensés du Front National devraient tout faire pour l'éliminer, mais sauf que maintenant, malheureusement, les cadres du Front National sont des lopettes qui ne veulent que avoir les prébends, les miettes que Marine Le Pen veut bien leur accorder. Donc je crois que tout redressement nationaliste se fera en dehors du Front National, qui, je l'espère, va crever. Alors, il y a une petite chance quand même, c'est que cette immonde bonne femme va sûrement être lâchée par le système, vu les casseroles judiciaires qu'elle a au cul. Et puis, il faut savoir aussi qu'elle a réussi, malgré des millions et des millions d'euros de subventions, malgré des centaines d'élus, malgré des députés européens, malgré une manifestation. Elle a réussi à mettre le parti en faillite. Elle a quand même réussi à foutre son parti politique en quasi faillite. Donc, ça, avec les problèmes judiciaires, ça va peut-être précipiter la fin de ce cloaque puant qui est devenu le Front National, et surtout la fin de cette bonne femme absolument infâme qui est vraiment une souillure, une pourriture qui a malheureusement démoli tout l'espoir électoral qu'on a eu pendant un certain nombre d'années, on va dire jusqu'en 2002. Et là, à partir du moment où Jean-Marie Le Pen a eu la bêtise crasse de promouvoir sa fille au sein d'un mouvement qui représentait tout de même un danger pour le système, à partir du moment où il a voulu en faire une entreprise familiale et qu'il a mis cette charogne à la tête du Front National, et bien voilà, ce parti politique n'est plus devenu qu'un fan club de cette personne qui, je l'espère, va connaître une fin politique dans le caniveau, c'est tout ce qu'elle mérite. Je trouve, depuis qu'elle a mis les lunettes, elle a les traits qui tombent, elle vieillit quand même, et elle ressemble de plus en plus à une limace. Alors, si vous avez du sel et que vous croisez Marine Le Pen, balancez-lui un peu de sel. Bon, moi je trouve qu'elle a l'air d'une grosse gouine en tout cas. C'est pas incompatible. Elle se transforme en Arlette Chabot, c'est vrai. J'ai noté que elle a dû voir qu'elle a été mauvaise. Je crois qu'elle va dire, elle a avoué qu'elle a été mauvaise au débat à la présidentielle. D'ailleurs, c'est pour ça que plus personne ne la prend au sérieux et que personne n'a regardé l'émission politique en question. Et comme elle a été très mauvaise, elle a trouvé qu'elle méritait d'être augmentée de 2000 euros de son salaire par le parti. Donc voilà, elle a dit que voilà, comme je suis merdique, que je foire tout, il faut des ronds, j'ai besoin de 2000 euros de plus, par c'est mois. C'est pas comme si le parti prenait les frais en compte. Hein. Voilà, ouais, bon. Tout ce qui est frais, déplacement, etc., les restos, etc., c'est tout le parti qui paye déjà. Non, là, c'est 2000 euros. Ah, c'est 5000 euros d'argent de poche, parce qu'on parle. Parlons chiffres. Je vais citer Le Figaro, qui donne des informations sur le sujet. Vous allez pouvoir donner votre avis. Au moins, on sera sur une base très concrète et factuelle. Marine Le Pen a vu son salaire de président du Front National passer de 3000 euros net mensuels à 5000 euros en juillet, soit une augmentation de 66% selon la déclaration du député du Pas-de-Calais jeudi par la HATVP. Dans ce document de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, Marine Le Pen déclare 12 000 euros de revenus nets annuel en 2014 en tant que présidente du Front National, puis 36 000 euros en 2015 et 2016, soit 3 000 euros mensuels. Pour 2017, elle déclare 23 000 euros de revenus nets jusqu'au mois de juillet et ajoute en commentaire « La rémunération mensuelle passe de 3 000 à 5 000 euros à compter du mois de juillet 2017. À cela s'ajoutent bien sûr ses indemnités de députée française, c'est-à-dire plus de 7 000 euros par mois. » Les adhérents de son parti. Bon, je vous passe les détails. Bref, voilà. Et vous, donc, vous êtes tellement choqué par ce genre de revenu. Toi, t'es choqué, Gandalf? Bah moi, j'estime en fait qu'un militant politique sincère, outre les frais de déplacement, les frais d'engagement, les locations, etc. Enfin, vraiment, les revenus personnels ne doivent pas excéder 2000 euros. Bah, c'est surtout que c'est l'argent du parti. Attention, elle est élue. C'est pas comme si elle n'était pas élue. On pourrait imaginer. Que bon, bah oui, elle a besoin d'avoir un salaire. Mais là, elle est élue, elle est députée française, elle touche 7000 euros, elle a été députée européenne pendant plusieurs mandats. C'est pas vraiment quelqu'un qui est en dessous, elle a l'héritage aussi personnel de son père. C'est pas comme s'il fallait rémunérer quelqu'un qui n'avait aucun mandat. Non, là, c'est 5000 euros, c'est juste un petit peu d'argent. En gros, on additionne sur le dos des militants à qui on demande régulièrement de donner de l'argent, de prêter de l'argent. Donc ouais, c'est un peu dérangeant, c'est cette façon de faire qui est un peu dérangeante. Ouais, bon, après moi je suis pas trop regardant sur ces choses-là, surtout pour des gens, enfin, quand on sait ce que tout le monde fait aujourd'hui en France, qu'une femme qui soit, je pense que ça doit être sûrement la personne la plus menacée de France aujourd'hui, hein, malgré que soit une grosse gauchiste, tout ça, mais... Mais alors, c'est un faux sujet, t'es d'accord avec moi, c'est un faux sujet. Alors, sa sécurité, elle est prise en charge par l'État. Oui, mais non, mais qu'on trouve ça petit, qu'elle prenne beaucoup, c'est-à-dire qu'on apprécierait que ce soit une grande... on aimerait bien que ce soit Jeanne d'Arc qui est dévouée pour la nation gratuitement. Mais attends, je suis désolé, tout, mais... putain, mais attends... C'est pas une histoire de beaucoup, c'est une histoire qu'elle s'augmente après cette foirée lamentablement. Non, mais c'est pas ça le sujet. Moi, je vous le dis, je veux dire. Un militant nationaliste... qui combat pour son peuple n'est pas là pour faire du blé, d'accord ? C'est pas l'objet. Donc tu prends 2000 euros par mois, pour moi déjà c'est amplement suffisant. Il y a plein de gens en France aujourd'hui, tu vois, qui se démerdent avec 1200, enfin je vais pas rentrer dans les détails, il y en a, ils ont bien moins que ça. On n'est pas là pour faire du blé, je veux dire, non, on est là pour ce cas-là, combattre, Gandalf, et voilà. Dans ce cas-là, je reçois le truc. C'est-à-dire que si c'est une question de principe, je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on admet qu'elle doit être payée, qu'elle doit se salarier, franchement, c'est des salaires de misère par rapport à ce qu'elle fait. Alors, attends, je vous permets, hein, s'il vous plaît, mais Marine Le Pen, Marine Le Pen, la travailleuse, ça, je ne peux pas laisser passer. Quoi. C'est... S'il y a un truc que même les Zemmour et tout ont remarqué, c'est que Marine Le Pen, depuis 3-4 ans, ne fout absolument rien. Quoi. Philippot lui mâchait tout le travail, et depuis qu'il n'est plus là, elle est là. Elle fait figure. Elle se déplace. Elle met des lunettes. Elle porte lunettes, n'est-ce pas? Non, Marine Le Pen est une grosse feignante. Pas déconner. C'est moi, je voulais dire, Violette, que jamais rien pour que... sa vie. Elle n'a même pas exercé en tant qu'avocate. Elle a exercé un tout petit peu, elle n'avait pas de clients, et du coup elle a été prise au service. D'ailleurs, ça a été une des principales causes de aussi un déclencheur de la crise de la scission maigrettiste, parce que son père l'avait prise à mi-temps avec un salaire mirobolant au service juridique du FN. Il l'avait placée comme il a toujours placé ses enfants, mais là, et en plus elle était infecte, elle insultait tout le monde, elle était bourrée en permanence. Mais cette bonne femme, mais la gale, cette bonne femme, c'est une vérole. Et c'était la pire de ses filles qu'il ait mis à la tête du FN. Elle n'a jamais rien foutu. C'est une jouisseuse. Il n'y a aucun travail de sa part. Elle a toujours tout eu en cadeau, en héritage. Elle n'a jamais rien fait, bâti d'elle-même. Elle a fait que profiter d'une situation qui lui a été donnée à l'origine. On va avoir aucune indulgence avec cette pourriture. Ouais, elle a quand même chanté du karaoké de Johnny Hallyday avec un restaurant. Donc attention. Mais pour aller dans votre sens... J'ai envie de bouger du cas Marine Le Pen, parce que bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que Marine Le Pen, maintenant, sait qu'elle n'a aucune chance d'être élue. Enfin, sauf à être complètement évolué dans un univers parallèle. Sauf à ce que tous les autres meurent dans un accident d'avion. Voilà. Cette femme sait qu'elle n'a absolument aucune chance politique. Donc, elle se maintient. C'est l'objet de son discours. Hein. Voilà. Marine Le Pen 2022. Hein. Bon, clairement, la ligne politique du Front National. Marine Le Pen 2022. Quelle idée? Avec l'euro, sans l'euro, immigration, pas immigration, islam, on s'en fout. L'idée, elle l'a dit dès le soir du premier tour, du second tour, pardon, c'est de dépasser les structures du Front National pour faire un rassemblement à l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'elle avait dit 5 ans avant, le rassemblement bleu marine. Voilà. On l'avait dit à l'époque de l'élection, t'as raison de le rappeler, donc en fait, on change rien. Sauf que. Sauf que en fait, c'est plus possible. Je veux dire, cette femme-là sait qu'elle est l'idiote utile de Macron à ce stade. Je vois pas comment elle pourrait prétendre ne pas l'être. Elle a aucune chance de gagner en 2022. C'est évident. Macron le sait tout autant. Et donc, elle va jouer le faire-valoir de Macron. Enfin, je veux dire, avec Mélenchon. Divisé pour mieux régner, bien sûr. Oui, moi, c'était juste pour revenir sur cette histoire de parasitisme. Astérix, tu disais oui, comparé à d'autres parasites, mais justement, qu'est-ce qu'il y a comme pire parasite dans un pays qu'un politicien inutile? Moi, je pose la question. Papa. Tu vois, à un moment, un obstacle ou pas, voilà. Moi, j'ai le sentiment que la suite. Enfin, je ne vois pas, tu vois, certainement du pessimisme, hein, mais je ne vois pas. Le retour d'Adolf Hitler en France. Je pense que ça va être un... J'ai l'impression que la suite logique, c'est le nègre ou le Libano entier. Oui, oui, oui, un truc comme ça. Et PD en plus. Encore mieux. Oui, bah écoute, moi j'ai... Marine Le Pen, je les supporte jusqu'au bout. Comme on supporte en fait un vieux cheval. Une vieille jument qu'on sait pourrie, mais... Vu qu'on a qu'elle pour avancer jusqu'à la prochaine étape, ben on l'aménage et puis on l'encourage, on dit vas-y, tu peux y arriver, allez, allez. T'y crois pas en fait. C'est comme quand t'as un gamin qui est complètement con et tu dis t'es intelligent, tu peux y aller. Mais là c'est terminé, c'est-à-dire que c'est une calamité. C'est une calamité pour ce pays. Et je pense que quand tu es de droite, Et quand tu es de l'extrême de la droite française, tu te dois, c'est un devoir de dire que Marine Le Pen est une calamité et il faut qu'elle dégage. Il faut qu'elle fasse autre chose. Moi, je pense que ça ferait vraiment une excellente patronne de bistrot. De bistrot un peu populaire, quoi. Mais bistrot, vraiment qu'elle sortir parce que là, c'est... Les enjeux sont trop importants. Elle se rend pas compte, mais je pense que si elle n'était pas la fille de Jean-Marie Le Pen, elle n'aurait même pas pu faire avocate. Elle aurait fait au maximum institutrice, même pas. Je pense qu'elle aurait fait secrétaire de direction dans une petite boîte, quoi, tu vois, au grand max. Alors, elle aurait fait militante Emmaüs. Non, peut-être. Elle a pas la générosité. Non, elle aurait fait avocate du MRAP. Tu vois, c'est pour te ruiner la vie, quoi. Gimli. Ah oui, elle aurait fait soit pute au bois de Boulogne, soit non pas militante Emmaüs, mais prise en charge par Emmaüs. Parce que une femme comme ça, toute seule, elle arrive à rien, je pense. C'est tout pour toi, Gimli, c'est tout ce que tu veux en dire? Concernant Marine Le Pen, c'est tout pour moi. Moi, j'ai milité pour le Front National, j'ai distribué des tracts, je me suis levé à 4h du matin, trois matins par semaine pendant... Et maintenant, pendant t'as mal au cul. Mois. Voilà, maintenant j'ai mal au cul, Marine Le Pen m'a bien... Bon, alors la prochaine fois, déjà, elle pourra se gratter, et puis je voterai pas pour elle, pour moi c'est terminé. Fulbert, oui, Fulbert, pourquoi pas Fulbert? Ouais, ben moi j'ai remarqué une chose, hein. C'est que, bon, je suis, bon, comme vous le savez, je suis belge, je suis francophone, wallon. Je voyais que, comme en Wallonie, qui est une région, je l'ai déjà dit, soviétique, eh bien, il y avait beaucoup d'attirance pour les gens, pour les nationalistes belges, francophones, une attirance pour le FN français, qui servait un petit peu de phare, de repère, etc. J'ai vu des discussions, j'ai lu des discussions entamées dans des commentaires d'articles, des blocs à gauche, à droite, sur dans des journaux de la presse belge. Vous pouvez vérifier vous-même. Je voyais donc des gens invoquer Marine Le Pen, le mouvement, le Rassemblement Bleu Marine avant les élections, etc., etc. Vous pouvez vérifier vous-même. Vous ne trouverez plus ça dans les commentaires des gens dans la presse belge. C'est terminé. Même si manifestement chez les Belges francophones, la référence du FN à cause de Marine Le Pen n'existe plus. Intéressant. Astérix. Ouais, bah moi, rien de spécial à rajouter. Je voulais dire que par rapport à la tâche qui lui incombe, on la critiquera jamais assez, parce que moi tout à l'heure, d'accord, je relativisais tout ça, mais c'est dans l'absolu. Mais sauf que elle est pas dans, elle a une tâche bien précise qui lui incombe, enfin elle était supposée sauver la France à la tête du Front National, puisqu'on avait que ça, il y a encore 10 ans de ça, c'est ce que tout le monde croyait. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une médiocre. Bon, moi, par contre, je pense quand même qu'elle a certaines qualités, mais qu'elle pourra... Des qualités qui ne nous servent strictement à rien, quoi. C'est-à-dire que, je dirais pas comme McDuff, qu'elle n'aura absolument plus rien faire en dehors de la politique. À mon avis, elle a un esprit vif, elle est assez intelligente, quoi. Mais c'est une truie, c'est une matérialiste, elle n'est pas du tout à la hauteur du sacrifice que réclame la situation actuelle, quoi. Bah, moi je suis extrémiste, hein, donc je pense qu'elle, oui, je pense qu'elle sert à rien. Marine Le Pen poubelle, Front National. Non, mais je veux souligner un truc, enfin, parce que oui, on l'a dit lors de l'élection. Mais là, parce que pourquoi ça m'a paru important? Parce qu'en fait, parce que je parlais tout à l'heure de limace, et effectivement maintenant c'est plutôt une censure. Donc oui. Bon, oui, effectivement, se débarrasser des censures, mais je veux dire, la France, pour moi, la France est un pays qui est recouvert de censures, alors une de plus, une de moins, si vous voulez. Bon, effectivement... Elle est grosse, celle-là, quand même, elle est grosse. Oui, oui, elle est grosse, elle est sale, elle a une sale gueule, elle doit certainement prendre des hormones ou je ne sais quoi pour prolonger son impression d'être une femme, qu'à mon avis, elle n'est pas vraiment. Moi, je sens que ça va mal finir, hein, la vie de Marine Le Pen. Je ne voudrais pas être à sa place, ni à celle de ses proches. Donc, il faut s'en débarrasser, d'accord. Mais je pense que ça pourrit tout seul, ces choses-là. Ben, c'est pas que ça pourrit tout seul, c'est que ça devrait... On devrait en être débarrassé si on était un pays un peu normal, mais on s'en débarrasse pas. C'est malheureusement... Marine Le Pen, c'est un symptôme. Mais c'est un peu une tradition française. Je veux dire, les politiciens... C'est pour ça que l'histoire de Jospin avait tellement choqué, hein, voilà, je tire les conséquences, gna gna gna gna gna. On a quand même une tradition française, en tout cas moderne, de politiciens qui sont dans l'échec le plus total et qui s'accrochent jusqu'au bout à leur strapontin, à leur petit droit. Ouais, ça avait donné de la noblesse d'ailleurs, enfin, franchement, avec du recul en fait, Jospin... De ces 25 dernières années, c'est le seul mec, en fait, qui a eu un peu d'allure, quoi. Ben, c'est le seul mec qui a dit, bon, d'accord, j'ai fait une connerie, j'admets, je me casse. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Le seul type avec un petit peu de classe, c'était un type de gauche. C'est bizarre, ouais. Mais c'est comme ça. Mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, je me suis planté. Au revoir, merci. Et il a jamais essayé de revenir, hein. Je veux dire, ouais. Enfin, si. En 2007, il avait un peu tenté le coup. Ouais, non, il n'a pas tenté de revenir. Non. Si, avec Royal, si tu t'intéresseras à la primaire de la gauche. Il n'y a pas de primaire à l'époque, parce que ce n'était pas encore institutionnalisé, mais... On lui avait demandé s'il voulait revenir. Oui. Non, mais il avait tenté une espèce d'opération médiatique, mais bon... Quand même, il s'était retiré en disant bon, j'ai merdé comme une merde et je me casse, et voilà. Et alors là, maintenant, et c'est vrai, en fait, on est habitué. Ce qui est absolument pas toléré dans le privé, enfin dans les communes privées. Enfin, je veux dire, j'ai planté mon entreprise, voilà, elle est en faillite et tout. Mais par ailleurs, je reste à la tête de la même entreprise qui est renflouée par les fonds publics, d'accord ? Et je m'augmente. Et je m'augmente. Non, mais. Si, c'est autorisé à la SNCF, ça. Ouais. D'admettre que c'est une faillite, c'est quand même assez subjectif, quoi. C'est pour ça qu'elle arrive à s'en sortir, tu vois. Sinon, évidemment qu'elle s'en sortirait pas, mais elle a des moyens de défendre qu'elle est dans la victoire, même si nous, on pense au contraire, mais... Ça serait peut-être une bonne chose qu'ils disparaissent de la surface de la Terre. Eh ben, j'en viens à cette question, oui, probablement. Probablement. D'ailleurs, la France, à mon avis, est pas loin derrière. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Marie Le Pen, Marie Le Pen, les Sénégalais. Nous, on sort pas aujourd'hui, on fait pas les bagages, on prépare pas, on n'est pas peur de toi. On va rester ici. Ici, en France, qu'on va rester. Tu peux pas nous faire sortir ici. On n'est pas peur de toi. Tout ton campagne, tu fais que l'islam immigré. Laisse l'islam immigré. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille, Marie Le Pen. S'il vous plaît, laisse-nous tranquille. Tu peux pas nous faire sortir ici. On n'est pas peur de toi. Vive la France! Vive la France! Vive nos grands-pères qui sont venus ici pour défendre la France. Tu ne peux rien faire pour nous les immigrés. Tu vas nous laisser tranquille. Pars au Sénégal. Quand tu pars au Sénégal, il y a des riz là-bas qui s'appellent de Gaulle. Des riz de Gaulle. Donc nous, on est des Français. On est plus que Français qu'à toi.